lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorinier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. L'émission qui est comme du cacao, 70%. C'est très, très laxatif. Julien Carriveau à l'appareil. Et bonsoir. En manchette ce soir, on parle de poutine, de burger et de tordade. Et exceptionnellement ce soir, on a des chroniqueurs comme Mathieu Boudreau, Coralie Laperrière, Marie-Pierre Simard, Gaël Corbeau et Octave, ainsi que notre invité Mario Zunino. En direct du Brouhaha, vous êtes à 70%. Joe Pirate, pourquoi pas les deux? Courageux de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Un chihuahua qui est construit une Porsche, un gouvernement qui contrôle ma poche. Un robot du futur qui veut du beurre de peanut. Se brûler au bronzage, c'est considéré hot. Tu vas tout pour plaire à ceux que tu connais pas, pote. T'as pour l'important dans ton agenda. Quand tu prends deux secondes pour ouvrir les yeux, tu vois que dans la vie, c'est plein de tout deux. Je le vois dans tes yeux. Quand tu trouves ça douteux. T'as couragé de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Pourquoi dans les films classés 13 ans, les hélicos explosent tout le temps? Y'a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer les couleurs des ceintures de karaté? Pourquoi y'a des enfants, des annonces de char? Pour plusieurs, des barbeaux, c'est des œuvres d'art. Faut pas rester en cabané. Ton écran va finir par te rendre cerné. Merci tout le monde d'être avec nous à ce nouveau 70%. Bienvenue. Ben oui, on peut nous le donner. Ben oui, j'espère qu'on va fournir mieux qu'à date un enregistrement en playback. Mais Isabelle a bien fait ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et on salue d'ailleurs tout le monde. Mon intro était drôle aussi. Hein. Je commence à être juste assez pompette. Genre. Ça va être c'est tellement bon, mieux tout. More than a feeling. Ouais, c'est ça. Sinon, cette semaine, avant de passer à présenter notre invité, je veux qu'on parle de quelque chose qu'on parle vraiment pas souvent à 70%. Et est-ce qu'on est rendu avec une période de la mousson au Canada ou il est... Tu veux parler de température? Là, je veux parler de température. Je veux jamais parler de température. Là, je veux parler de température. Tu veux parler de température? Genre saison des pluies. Là, genre. Il se passe quelque chose. Là. Ouais. C'est ça. Il y a du monde qui sont vraiment pas d'accord avec la direction dans laquelle on s'en va. Moi, c'est je me très, rappelle très controversé. La dernière fois qu'on a parlé de météo à 70%, je pense que c'était Simon Pierre. Puis quand il faisait sa chronique météo, puis il disait « Ok, attends un peu », là on l'entendait partir à la course au micro. Là, il courait dehors. Là, on l'entendait revenir pendant que moi, je riais. Puis il disait « En tout cas, je viens de checker, là, puis en haut de Sainte-Catherine, puis Berry, il y a pas trop de nuages, mais il fait un peu frais. » C'était notre période météo, j'aimais beaucoup ça. Sinon, on va l'applaudir, je pense qu'on est rendu à ça. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissez notre invité Mario Zunino. Oui. Merci. C'est vrai que t'es notre invité. Ouais. Puis en fait, je voulais faire un segue que j'ai été obligé de briser en t'annonçant, parce que c'est important de savoir à qui qu'on parle. La météo, c'est vraiment rendu important. Hein? Il y a comme des alertes rouges de plus en plus aussi. Ça lui fait comme de quoi jaser. Hein? Et où, ici, tu veux dire? Au Québec? Ben partout, je pense. Ah, ben oui. Ben oui, ils font des alertes rouges sur les jardins, sur les journaux météo tout le temps. C'est quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années. Ouais, Météo Média pogne les nerfs pour pas grand-chose. Exactement, ouais. C'est ça que je veux dire. Il y a comme... Vent violent! C'est ça. Avertissement de vent violent de Santé Canada, whatever. Mais de toute façon, si tu veux intéresser, tu es tenu justement de trouver des arguments pour essayer d'attirer l'attention des gens. Ben donc oui. Forcément, tu vas amplifier le moindre petit événement pour que les gens se mettent à écouter ce que tu racontes. Ah, moi, je veux en entendre encore là-dessus. On en a parlé un petit peu quand t'es arrivé tantôt, Mario. C'est ton premier livre, en fait? C'est ta thèse qui est devenue un livre? Non, non, non. Ça, en fait, c'est un essai tiré de mon mémoire. De ton mémoire de maîtrise. Exactement, oui. Et voilà. Là, tu as sorti les meilleures citations pour nous montrer à quel point le journal télévisé et le spectacle, c'est deux mots qui sont de moins en moins deux affaires. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, la question est à se poser et de se dire, donc, est-ce que le journal télévisé est fait pour divertir ou pour informer? Et voilà. Alors, donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au fil des années, le journal télévisé, le téléjournal, comme on dit ici, a tendance plutôt à divertir que plutôt qu'à informer. Donc il faut trouver l'équilibre, mais sauf qu'on s'aperçoit que de plus en plus, ils utilisent des ficelles pour justement attirer l'attention des gens. Et moi, ce que j'essaie de démontrer dans mon essai, c'est que justement les ficelles utilisées, donc ce sont les ficelles utilisées dans le milieu du cinéma. OK. Et, ouh, j'aime ça. Ben, c'est un petit peu au travers de ça qu'on s'est rencontrés. C'est toi qui m'as écrit. On a parlé de cinéma et de ça pendant une soirée au complet. Mm. En quoi il y a une différence entre apprendre quelque chose de nouveau, d'utile, et apprendre quelque chose de nouveau? Parce que même en divertissant, on informe. Et où la nuance, c'est... Où ça devient mauvais de divertir par rapport à informer? Alors justement, quand on fait de l'information, on est tenu d'intéresser le public. Mais jusqu'à quel point on doit utiliser certaines ficelles pour intéresser le public? Ouais. Lorsque justement on en vient à utiliser des effets cinématographiques pour intéresser davantage le public, c'est là qu'on peut se poser des questions. Comme par exemple, si vous voyez ici, quoi qu'ici au Québec, j'ai pas trop vu ça, mais en France, c'est déjà arrivé. Lorsque vous voyez des reportages télévisés, ils vous mettent des fois des images au ralenti. Oui. Donc, j'ai préféré, c'est les graphiques 3D, moi. Quand ils expliquent comme l'avion qui était disparu dans le Pacifique, puis que là, il y avait des graphiques de l'avion, et là, il y avait les pourcentages de chances de où ça aurait pu briser. Oui. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, donc, c'est que moi, c'est surtout le côté cinématographique qui m'intéressait de par ma formation aussi, et vu que j'avais déjà fait un court-métrage avant de faire mon essai. Et donc, moi, c'est ça qui m'a sidéré. Donc, de voir aussi comment... ils peuvent aussi suggérer, comme dans le milieu du cinéma. Donc, ils ne disent pas carrément qu'ils font du cinéma, mais ils vont utiliser certaines ficelles pour justement faire passer le message de façon indirecte. Et pour ne pas qu'après coup, on puisse leur dire « Ah ben là, ce que vous faites, c'est du cinéma. » Donc, eux, ils ont toujours la possibilité de se dire « Ah ben ça, c'est votre interprétation. Nous, on a juste voulu rendre la nouvelle. » Juste un reportage, ça utilise du montage aussi, alors, nécessairement. Voilà. Donc, c'est ça. Mais alors, même le montage, parce qu'à l'origine, donc, on dit que si tu veux que ton information soit vraie, il faut que tu aies un minimum de montage. Donc, pour voir comment les gens, justement... parce qu'avec un montage, tu peux tout faire. Une réaction, tu peux la faire avant, après, au milieu. Tu peux faire réagir n'importe comment et fausser la vérité, quoi. Ouais. Alors, sauf qu'on s'aperçoit que maintenant, non seulement les reportages sont plus courts qu'avant, mais en plus, donc, ils sont hyper fragmentés. C'est-à-dire qu'ils sont saucissonnés. Et ce qui veut donc dire qu'après coup, le monteur peut mettre ce qu'il veut dans son montage pour faire passer ce que lui... souhaite faire ressentir au public. Ça me fait penser à la phrase qu'on a parlé un petit peu avant que tu arrives, et c'est la télévision, et puis ça date, là, c'est une phrase qui a été sortie pour comme expliquer ou essayer de comprendre le phénomène des journaux télévisés qui sont nés en 1949 en France. Ça veut dire qu'on doit être à peu près dans ces années-là ici en Amérique du Nord. Mais moi, c'est la phrase que j'ai lue et que j'ai préférée, c'est que le journal télévisé n'est pas en train de rapporter la réalité. Il est en train de créer ce que peut être le réel. C'est-à-dire, en fait, ça n'est un qui a dit ça. Parce que c'est pour ça que, donc, moi, dans mon essai, j'ai mis plusieurs... Chaque fois que j'apportais quelque chose, je me référais à quelqu'un. Et puis après, je mettais également ce que les autres avaient pu dire par rapport ou contre ce que l'autre avait dit. Okay. Pour qu'après, chacun se forge sa propre opinion. Et toi, tu peux... C'est une méthode cinématographique, ça, je pense. Ben, il faut tu présentes regarder. Le méchant et le gentil, puis de la morale entre les deux. Mais on fait tous du cinéma, donc moi aussi. Ben oui, ça me va, ça me va. Mais tout ça pour dire qu'il y en a un qui disait que le but, ce n'est pas de on peut faire de la fiction pour essayer de rapporter la réalité. Ouais. Alors, c'est sûr que le gars a dit ça, mais je ne pense pas qu'il fasse l'unanimité. Ouais, parce ouais, que, ouais. Justement, donc, le journaliste est quand même tenu à un certain code de déontologie. Il doit le respecter. Sauf qu'on s'aperçoit que les limites sont de plus en plus repoussées. Et si ça passe une fois, ben après coup, ça, les autres vont faire pareil. Ça fait boule de neige. On est en train de sensibiliser ou désensibiliser une zone. Ben oui, c'est ça. Là, c'est surtout que les gens s'habituent. Voilà, le marginal est totalement tout le temps en train d'empiéter sur le territoire du déviant, c'est sûr et certain. Puis en plus, on le voit maintenant, chaque comme sphère de cette manière-là de repousser les tabous ou les limites a sa chaîne spécialisée pour travailler là-dessus. Puis souvent, mettons, comme Historia présentement, il ne présente plus des faits, il présente des documentaires qui amènent des mots comme « could »,« would », should, et ça, je trouve ça fabuleux parce que l'histoire, un canal qui se targue de présenter l'histoire, devrait pas dire would, could, should. Ça, c'est sûr. Il devrait essayer de présenter les preuves le plus objectif possible, recréer autour assez simplettement, mais pas y aller d'affaires 3D, de pyramides qui tournent avec de. En tout cas, les extraterrestres. Les ancient extraterrestres au canal Historia. Ben, on descend des extraterrestres selon un reportage que j'avais vu dans Historia. Ah, voilà. Eux autres, d'ailleurs, ils sont plus scientifiques que moi parce qu'ils disent « could, should ». Moi, je dis « voyons donc, tabarnak ». Je suis beaucoup plus fermé à leur conclusion, en tout cas. Et ça, c'est donc ton sujet de maîtrise que tu as résumé dans un livre. Que j'ai adapté en essai. Et voilà. C'est vraiment fabuleux. Il y a des phrases là-dedans. J'ai trouvé ça génial. Mais l'idée de passer à la fiction, ça vient du sang, du sexe, rose sang. Il y a des fesses. C'est des fesses, Mario, sur ton roman. Eh oui. Pourquoi? Comme quoi, je suis pas. Parce que tout à l'heure, tu m'as présenté comme quelqu'un apparemment d'intello. Je ne suis pas du tout intello. Donc... On aime ça. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Moi non plus. Ouais. Mais donc mon premier roman justement c'était ça, Rose de sang, du sexe, du sang, bonnes gens, vous allez être contents. Ok, et voilà. Donc dans ta recherche de ton sujet de maîtrise, tu t'es rendu compte que le monde aimait les poitrines, fait que t'as décidé de pousser ça. De sortir ton yogourt, de l'imprimer puis de. Oh ouais, mais je l'avais sorti avant l'essai celui-là. Là. Ok, c'est ok, ça n'est un plus vieux que ton essai. Ah oui, oui, oui. Ah, y a donc bien des couches à ce Mario-là, c'est capoté. Oui, oui. J'ai une sacrée couche, oui. Ouais. Ce qui veut dire que peut-être que la prochaine question, t'as une chance de plus en plus floue de. Est-ce que tu joues à Magic? Non. Je suis rendu insensible. As-tu vu? Au moins, il n'a pas dit « c'est quoi ça? » Mais j'ai pas osé le dire. Non, mais tu le savais que tu jouais pas à ça. Ben non. C'est une réponse d'intello. Et donc, ça nous amène à présent... Ah oui, tu nous as amené des livres Rose Sang que tu veux faire tirer dans la... Si ça intéresse le public. Il est dément. OK, on lui demande-tu des push-ups? Moi, je pense qu'on donne un exemplaire à quelqu'un qui vient faire 20 push-ups à la scène. Ça, c'est le premier exemplaire. On le fait tirer. Il y en a trois. Il y en a trois. Le premier, c'est 20... 10, gang de table. Hey, la trentaine, a fait c'est solide. Boy, hein? Je peux pas sûr que je vais réussir. OK, ben, on va prendre pour acquis qui... Okay, c'est bon. Et sinon, tout le monde en compte? À partir de maintenant... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sacré, c'est fertile et en forme. Attends, t'as super bien en plus. Il a la chance d'avoir ma photo à l'arrière. Ah oui, wow. Regarde, tu vois, il a mis des boules en avant, ta photo en arrière. Il va passer une maudite belle soirée. Ça va capoter. Non, mais lui, il a pas vu ma photo. On va trouver, au fil de l'émission, on va faire tirer les deux autres. On va trouver des manières. Sinon, moi, avant d'aller vers 70%, non, ça aussi, on va se le garder pour tantôt. Je veux que tu me fasses un indicatif. Un indicatif de... Mario Zunino, j'écoute 70%. Genre, tu fais une affaire live, tu peux mettre la confiture que tu veux sur ton bagel. Mario Zunino, votre rayon de soleil à 70%. C'est ça. Ouais. C'est ça. Hein? C'est vraiment... En tout cas, c'est très incisif. Ah ouais, hein, toi, je t'imagine bien en sarrau blanc à découvrir des virus T, quelque chose. Hein? Découvrir quoi? C'est ça. Sinon, à partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui vont passer. N'hésite pas à leur poser des questions ou à intervenir. On commence d'ailleurs avec celui qui établit la voie de la raison. Celui qui raconte les vraies nouvelles, les vraies affaires. Ah, oui. Bienvenue à 70%. Mario Zunino, mesdames, messieurs. Merci. Là-dessus, on commence. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Un homme de Three Hills en Alberta a été pris en photo par sa femme alors qu'il était en train de passer la tondeuse pendant qu'une tornade faisait rage derrière lui. Tunis Wessels, qui avait mis tondre le gazon sur sa liste de choses à faire, a décidé de ne pas rentrer quand la tornade est apparue, parce qu'un gars doit avoir des principes. L'homme affirme qu'il gardait quand même un œil sur la tornade, ajoutant qu'elle était loin et s'éloignait de lui, ce qui le mettait hors de danger, bien sûr. Bien sûr! Une nouvelle étude académique proclame que l'adoption de la poutine comme plat national canadien serait du ressort de l'appropriation culturelle. Le Canada tentant d'absorber la culture québécoise. Le problème n'est pas que les Canadiens fassent, adaptent ou mangent de la poutine, affirme Fabien Ouellette, mais que le plat soit appelé canadien. Ouellette rappelle le stigma de la poutine que les Québécois ont dû subir alors que les Canadiens n'étaient pas fins et riaient de nous autres pour notre manger pas bon. Ça fait du bien d'être la victime, hein? Faut de temps en temps quand même. On sent bien, là. Oh non, fuck that. On sent bien d'être la victime. Je ferais pas mon identité sur un gratin, là. Voyons encore. Juste le concept qu'on a inventé ça, c'est des patates, du fromage puis de la sauce, là. Je veux dire. Du gras en plus. C'est ça. Peut-être que nous autres, on l'a fait de moins bonne qualité puis qu'on a transformé ça en secte. Mais manger de la poutine, c'est correct. Oui. Ben moi, je m'en crisse. Puis la poutine, c'est du canadien? Je m'en crie. En fait, je considère même pas que la poutine, c'est québécois. Genre. Ah bon? Ben, ça me rappelle le Québec quand j'en mange, mais je dirais pas, je suis fier, c'est à nous autres. Voyez. Chris, mange des patates, je m'en tabarnak. Voyons donc, mon appropriation culturelle. Mon Gilles Vigneault, notre poutine, genre. Même Gilles Vigneault, je m'en tabarnak. Non, Chris, next! Oui! Et non, ce n'est pas une reprise d'une nouvelle la semaine dernière. La police de Everett, dans l'état de Washington, est à la recherche de deux hommes qui ont tenté de voler le contenu d'un guichet automatique en utilisant une torche. La vidéo de surveillance montre les hommes en train de tenter de pénétrer à l'intérieur de la machine avant de se rendre compte qu'ils brûlaient son contenu. Ils ont alors tenté d'éteindre le feu en urinant dessus. On l'a déjà vu, ça? C'est ça que je disais, non. Dans un film, on a c'est vu pas ça. Le gars qui voulait que personne d'autre ait de l'argent. Eux autres, ils n'ont pas écouté 70%. Lui est en Chine. Là. Où ils ont écouté 70%, je sais pas. Les hommes seraient repartis bredouilles. Mais est-ce qu'ils ne sont pas morts électrocutés? Non, ils se sont pas. Ben, en tout cas, non. Parce ils qu'ils sont... auraient pu. En ben, pissant sur un fil électrique, ils peuvent s'électrocuter. C'est vrai. Mais le gars en Chine non plus, il ne s'est pas électrocuté. Fait que deux en deux, humain 1. Guichet automatique 0. Ben, 2-0, 2 en 2. Humain 2, ouais. 2-0, ben ouais, non. Excusez. Ou même urine 2. Urine 2. Est-ce que c'est grave? Merci, Bruno. Avec plaisir. On va te revoir dans l'émission un petit peu plus tard. Ben oui, donnez-y. C'est Bruno Corbin, ça. Puis, je pense qu'on est prêt pour le prochain chroniqueur. Ah, bien sûr, oui. Ouais, Mario, il dit que c'est correct. On passe au prochain. Mario. Marie-Pierre Simard. Quelle entrée, hein? C'est ça que tu faisais avec le. Il tenait le téléphone dans ses mains tantôt, puis il disait, il s'est capoté. Alexandre, c'est exceptionnel, pour vrai. Ben merci beaucoup. Ben oui. Hey, d'ailleurs, je n'ai même pas parlé, mais si tu me permets, merci beaucoup à l'équipe technique, à Alexandre, Stéphane et Olivier. Et Mathieu, même, qui est là ce soir, sans qui toute cette magie ne pourrait se dévoiler devant vos sens dilatés. Là-dessus, Marie-Pierre, amène-nous dans le monde. De Marie-Pierre. Ouais, c'est ça. De Simard. Ce soir, on va parler de choses le fun. Vous êtes au courant de ma job. J'en ai souvent parlé. Je parle pas celle de comédienne, mais bien celle de serveuse au Mike's à la Place Versailles. Est-ce qu'un peu tout le monde connaît la Place Versailles? Hein? Tout le monde, habituellement, tout le monde connaît ça. D'ailleurs, grande nouvelle, demain, il y a un spécial sur la poutine au smoke meat réchauffée au micro-ondes. Fait que ça, c'est une super nouvelle. On sait, tout le monde sait que le service à clientèle, c'est intense, serveuse aussi. Mais être serveuse dans une chaîne de restauration, dans un centre d'achat qui est la Place Versailles, ça, c'est fucking intense. Surtout qu'on dirait que c'est le nom d'un vieux manoir, okay, hanté par tous les vieux has-been du Québec. C'est comme si tous les chanteurs s'étaient réunis, genre, pour faire les chanteurs de mauvais goût pour faire le meilleur jingle publicitaire à la Place Versailles. Je t'amènerai. Moi, je suis sûr que le tunnel y est pour beaucoup. Hein. Ouais, mais oui, et ouais. Beaucoup c'est... de choses. Oui. Ils sont pour beaucoup. En une semaine là-bas, je vois plus de monde weird qu'en un an quand je travaillais sur Sainte-Catherine en bas de la calèche du sexe. Ah, tabarnak. Okay? ça laisse des cicatrices sur l'esprit. Alors, tu travaillais en bas? Oui, je travaillais pas à la calèche du sexe, mais je travaillais en bas. Et je côtoyais souvent les danseurs, c'était super. Ouais, c'était cool. Le slogan de la Place Versailles, c'est « Un centre commercial qui vous ressemble ». Et justement, j'avais envie de vous faire part d'un topo des clients type de la Place Versailles. Alors, comment? Non, mais vous allez voir, vous allez pouvoir vous imaginer ça bien vite. Premièrement, lui, c'est le client crissement cheap, démonisé par le café. Ça, malheureusement, on le voit pas juste à la Place Versailles. C'est le type qui, au lieu de dire « Allô », dit « Café! » Ce gars-là, il est bien smart. Et en plus, il est super cheap. Mais en plus, être cheap dans la vie, c'est une chose. Être cheap à la Place Versailles, ça semble plus être genre être prête à manger à une table séparée pour pouvoir utiliser deux coupons rabais. OK? Et j'ai déjà vu ça. Ensuite, deuxième client, le client qui a plus de dents dans la gueule. Celui-là est plus typique de la Place Versailles. En fait, le trois quarts de notre clientèle ont plus de dents. Soit parce qu'ils sont des personnes âgées, soit des bébés, ou parce qu'ils trouvent que ça coûte moins cher de se l'arracher soi-même. L'autre jour, okay, c'est pas une blague, j'ai demandé à une madame si elle avait bien mangé, puis elle m'a répondu « C'est difficile de bien manger quand t'as plus de dents dans la gueule. » Là, j'étais un peu surprise, si elle a mangé une soupe. On jase en esti, là. On jase, c'est la première affaire qu'elle t'a dit. Oui, genre, la première chose, c'est à votre goût, tu sais. Là, je dis « Ah, ouais, c'est quelque chose, tu sais. » Puis elle me dit « Ben, gars, moi, je trouve ça coûte trop cher, le dentiste, quand j'ai mal. » Je rappogne, je tire dessus, pas le temps de niaiser. Moi, je suis comme un dentiste, sauf avec une barre à clous. Fait que ça fait moins mal que le dentiste? Ouais. Ça coûte moins cher. Ça coûte surtout moins cher, mais elle a plus le temps, fait qu'elle a comme plus de dents bientôt. OK. On la salue. Ouais, on la salue d'ailleurs. Et ce que je voudrais lui dire, c'est ne vous inquiétez pas, maintenant, on s'est adapté à la clientèle. Tu peux maintenant, et ce n'est pas une blague, mettre ton spaghetti et ta salade César dans le blender. Non. Oui. Non. Et tu peux l'avoir avec une paille. Oui. Et ensuite, aux pâtes al dente, il y a aussi les pâtes spéciales et dentées. Tu peux-tu le mélanger dans ton coke à volonté? Ben, on pourrait. On pourrait. À la Place de Saint, on l'a déjà fait. Avec une paille. Je dis pas que les autres banques le font, mais nous, on l'a déjà fait. Ensuite, on passe au troisième. Le client incontinent. Lui, il est là tous les semaines. C'est pas le même, OK? À chaque semaine, il y a une personne différente qui soit fait caca par terre, sur le mur, ou même, des fois, c'est pas un client, il vient juste chier par terre. Et là, il nous laisse... j'aime pas ça parler de caca. Je trouve ça toujours, quand les humoristes font des jokes de caca, je trouve ça toujours plate, mais là, j'ai vraiment pas le choix de vous en parler. T'es objective. Oui, parce que je le vois toutes les semaines. T'es journaliste. Oui, je suis pareil comme une journaliste. Alors, il y a même une fée, OK, et ça, c'est assez extraordinaire, qui a fait un nid de papier de toilette dans la toilette des handicapés à terre pour pisser dessus. On l'a surnommé l'oiseau de la Place Versailles. On a très hâte qu'elle vienne nous pondre. Très poétique, hein? Oui, très... Mais c'est sûr qu'on n'oublie pas que la Place Versailles, c'est quand même à proximité de Louis-Hippolyte Lafontaine et qu'il y a beaucoup de gens qui s'évadent pour venir passer leur journée au max, et souvent, ils quittent avec les policiers après avoir mangé trois repas. Voyons donc! Pour conclure sur le dernier client, le client violent ou le crime organisé, n'oublions jamais que le parking de la Place Versailles est au top des palmarès des endroits si tu veux te faire voler ton char. Alors, si jamais vous voulez rompre votre contrat de location, promenez-vous dans ce coin-là. Dans les dernières années, il y a eu des vols de chars, un cambriolage de bijoux, un auto explosé, et j'ai vu aussi personnellement un gars se faire gonner dans la tête en sortant un samedi soir. J'aimerais simplement dire à celui... Pourquoi t'as pas juste parlé de ça? C'est la prochaine chronique. Parce qu'après, j'ai peur, man. J'ai peur. J'avoue, t'es rendu témoin de quelque chose? Ben, je suis la seule, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas de caméra, fait que je suis la seule témoin. Mais c'est peut-être pas dans la tête. Oui, c'est dans ta tête. Non, peut-être pas, je veux dire. Et moi, c'est ça, je ne sais pas, je t'ai pas vu à la face. Je peux vraiment pas. On te salue. C'est ça, je te salue, mais je te connais pas, je sais pas t'es qui. On te salue pas, qui mange d'ailleurs, ouais, c'est ça, faut ça que se fait fuck pas, you. Ça. D'ailleurs, c'est assez ironique quand on pense à ça, en fait, qu'il n'y a pas assez d'argent pour investir dans les caméras de surveillance, mais le Père Noël arrive en hélicoptère chaque année. Comme il se doit, hein, les priorités en bonne place. Alors, merci beaucoup. Moi, je connais ce centre d'achat-là parce qu'il y a encore une arcade qui était cool dans le temps, ça fait longtemps que je suis pas allé, et c'était aussi, ça me tapait ses nerfs à l'époque, je ne sais plus maintenant depuis que j'écoute des films de chiens, mais c'était le centre d'achat qui sortait les tunes de Noël le plus tôt. Oui. Mais c'est pas mais les magasins là à Noël, parce qu'il n'y a personne. Oui, je vois tout le temps là. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il les sort avant l'Halloween? Oui. Ah ouais, hein? Ben, c'est que tranquillement, pas vite, il l'inclut à la programmation. Ah, il les intègre à la programmation. Fait que là, à un moment donné, t'as un Père Noël rock, puis c'est weird. Merci, Marie-Pierre. On te souhaite de te trouver un autre job. À cherche! Allez, let's go, on passe tout de suite au prochain. Bon, j'ai pas jingle. On peut chanter son prénom si tu veux. Non, on peut chanter son prénom comme Marie-Pierre. Ben, c'est vrai. Encore une fois, tout le monde. Gaël. Merci. Corboise! Alors, ce soir, pour ma chronique, je vais vous parler d'un don que je vais faire incessamment au Musée douteux. Ça s'appelle le Dictionnaire des histoires drôles, écrit par un certain Hervé Nègre. C'est un livre qui date de 1977. Moi, j'ai la version rééditée 73. J'ai fait une recherche sur l'auteur. Attends. Les ventes justifiaient une réédition. Ben oui, ça marche. Hein? Non, mais c'est le dictionnaire, ça l'explique. Je vais te lire l'arrière du livre. Avec plus d'un million de lecteurs, ce dictionnaire est devenu le livre le plus copié ces derniers temps. Mais c'est à vrai dire le meilleur compliment qu'on puisse lui faire. Voici donc le Dictionnaire des histoires drôles dans une édition enfin remise à jour. Ou plutôt, voici, entre guillemets, le nègre, comme on a pris l'habitude de l'appeler. Peut-être pas tout à fait aussi nécessaire que le Larousse et le Robert, mais certainement plus tonique. Donc, on commence comme ça. Là, c'est un dictionnaire avec une quatrième de couverture. Hein? Oh oui, regarde. Tu lis le dictionnaire. Hein? Donc, rappelez-vous Roméo Pérus, hein? les jokes de fif qui ont dit ça. Oui, non, regarde. J'ai fait une recherche sur l'auteur Hervé Nègre et j'ai rien trouvé. Donc, d'après moi, c'est un pseudonyme. D'après moi, c'est pas lui qui a écrit le livre. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit, je vais m'appeler de même, ça va être écœurant. Hein? Fait que je me suis tapé vraiment les... En tout cas, si vous aimez vraiment les jokes racistes, d'inceste, de viol, de pédo, de juif, c'est un excellent roman. Là, tu vas nous enlever des bouts? Oui, là, je me suis tapé les 2470 jokes du livre. Et j'ai pris une grosse douche après. C'est un livre français, donc il y a des catégories qui sont très françaises. Par exemple, il y a les catégories de jokes d'adjudant, de bougna et de bidasse. Hein, des bonnes jokes de bidasse, il n'y en a jamais assez. Puis il y a les catégories folles qui sont comme gays, parce qu'il y a la catégorie fou, mais la catégorie folle, c'est gay. C'est. Et il y a la catégorie nègre qui est une des jokes d'auteur fantôme, à moins que j'aie mal compris le concept. Bon, il y a aussi la catégorie métro, qui est composée à 80% de blagues de gars qui se frottent sur une fille. Donc, je vais vous en lire un extrait. Oui, Là, on commence la blague, il y a un gars qui se frotte sur une fille. Alors, la blague va va comme ci. Dans le métro de 7 heures, une jeune fille sent une main masculine s'aventurer en bas de ses reins. Elle se retourne et lâche. « Dites donc, vous ne pourriez pas mettre votre main ailleurs? » Puis l'autre dit « Je voudrais bien, mais je n'ose pas. » Alors, ça, c'est le premier gag. Là, il faut vraiment que je trouve une façon. Parce que là tu voyez-vous, j'ai un téléphone, je ne le maîtrise pas encore. Puis, en tout cas, le consentement, c'était moins sexy dans ce temps-là. Non, ça ne marche pas. Là. Ouais. Puis il y a aussi une super joke de plot. Écoutez ça. Un vieux monsieur est assis en face d'une ravissante donzelle en mini-jupe. « Mademoiselle, il faut que je vous dise, votre jupe est vraiment trop courte. »« Pas mademoiselle, jette la fille d'un air courroucé. Appelez-moi madame. » Ah, excusez-moi, j'ai pas très bien vu. Okay. Elles sont toutes comme ça? Attends, ça c'est le début, ça. Là. C'est le meilleur. Check bien, là. Fait que là, j'ai bien sûr... Il y a aussi la catégorie mimique, qui est très drôle. Parce que, tu sais, le gars, il écrit la gang, mais il a écrit les gestes qui viennent avec. Puis ça va comme suit. Alors, un habitué des courses se rend au pesage et voit passer parmi les chevaux qui vont courir un affreux tocard qui lui fait un sérieux clin d'œil. « Tiens, ce cheval me fait signe. Je suis sûr qu'il va gagner. » Bon, et finalement, il bête dessus, puis il gagne pas. Furieux, le bonhomme se rend à la sortie des chevaux en proie à une violente colère. Alors le toqueur, en passant, lui fait un geste navré d'impuissance. Et là, je fais la description du geste navré d'impuissance. De même que vous aurez mimé le clin d'œil du cheval au début, il vous faut mimer sa protestation d'impuissance avec une exubérance méridionale, le visage tristement penché sur l'épaule, la tête rentrée dans le cou et les bras levés au ciel. Oh, il y a un mode d'emploi pour les blagues! C'est un dictionnaire, Tommy. Non, j'ai... En italique! Ouais. Puis en plus, il parle de méridional. Alors, d'après moi, ça fait... À quoi ça consiste? Parce que je suis méridional. C'est ça, la mime du cheval. Ah, toi, t'as redécortiqué ça pour en arriver à cette conclusion. Non, non, non, moi, je me suis dit... Ben, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ça, on m'a demandé... Voyons donc, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça fait deux fois d'affilée, ça n'a pas de sens. Et là, après ça, il y a des jokes qui sont drôles, c'est que... Attends, c'était le punch, ça? Non, non, ah, oui, c'est le punch. C'est ça, le punch, c'était les moves qu'il fallait. Ils sont drôles, les Français, c'est la version, c'est quelque chose qui a deux pouces, puis qui a envie de te fourrer, genre. Laissez-moi du temps, les gars, j'ai vraiment du stock à vous dire, sérieux. Parlez pas trop, j'en ai plein, là. OK. Fait que là, tu sais, même au début, tu vois, le racisme et la misogynie est tellement latent qu'ils se permettent, genre, de mettre des phrases dans même en début de joke, comme... La blague ici. Ce patron a ceci de particulier qu'il est du sexe féminin. Ça part de même. Impossible! Ensuite. La genèse de l'humour. Il en a vendu un million en plus. Ça, c'est drôle. Le président des États-Unis a envoyé un singe dans l'espace et il reçoit une pluie d'injures. Il n'aura pas le choix. Il est contraint de donner des. Il est contraint d'envoyer des nègres dans l'espace. Donc, ça, c'est le début de la joke. Puis après ça, le gag continue, là. Ah, tu fais juste nous lire la mise en situation pour qu'on se. Je fais soit... juste nous lire le fait que, même dans quand le gag n'est pas raciste, tu sais, c'est une joke d'astronaute, là. Mais il fallait quand même. Ouais. Comme celle-là, là. Un équipage d'astronautes américains vient de se poser sur la Lune. Ils sont quatre. Un des hommes est noir, mais le capitaine est évidemment blanc. Ça a beaucoup plus de sens que la joke que le patron était une femme, moi, je trouve, jusqu'à date. Ouais, je suis d'accord. Oh! Fait que là, il y en a une dernière aussi que je l'ai-tu noté, celle-là? Ah, oui. C'est particulier. Il y a une joke qui commence qu'alors, trois petits PD bavardent gentiment sur la réincarnation. Fait que là, j'ai vraiment écumé le livre, là, je vous ai sorti le top 10. Le top 10 des pires... Des meilleurs. Les meilleurs, si on veut dire. OK. C'était pas les pires. Alors, on commence. Voici le pot pourri des meilleures blagues du dictionnaire. Alors, voilà. Ça commence par... Dans un hôtel crasseux d'un quartier pourri, un type est monté derrière une fille qui n'est pas à toucher avec des pincettes. Il se jette sur elle et au bout de 5 minutes, il crie « Ah, je nage dans le bonheur! » « Non, dit-elle, tu nages dans le pu. Tu es tellement excité que tu as fait sauter toutes mes croûtes. » Ah, je la connaissais, celle-là. Je la connaissais. Calvaire, il la connaissait. T'as grandi dans le nègre, toi. Non, regarde. Il y en a un autre. Alors, l'autre, c'est une personne qui disait à un autre... c'est une joke de prostituée, hein, en passant. C'est dans la catégorie. Alors, qu'est-ce que t'as à cracher des pépins comme ça? Ah, c'est rien. J'ai fait une pipe à un type qui avait tringlé un PD, qui avait mangé des figues. Oh boy. C'est juste les deux premières, alors. Il en reste une couple, là. Hey, come on. Ça se peut qu'il y ait des malaises. Il en a vendu 2 millions, hein, rappel. Alors, OK. Alors, on continue. Alors, voici une joke de docteur, dans la catégorie docteur. Est-ce qu'on vous a déjà fait des rayons X? Des rayons X, non, mais on m'a déjà ultraviolé. Ah ouais, c'est connu, ça. C'est connu. Que tu es du Indeed. Hey, check, quand il va t'en rester un top 5 seulement, là, tu vas nous donner une break, puis tu vas aller t'asseoir à quelque part un peu, là, puis on va te ramener vers la fin du show, si tu permets. C'est ça qui va arriver. Ben, si tu veux. Ouais, non, il t'en reste non, deux. C'est clairement ça qui va arriver, ouais. OK. Pas de problème. Alors, on en fait deux, on prend un break, puis je reviens plus tard. C'est ça qu'on vient de dire. OK. Là. Donc, dans une synagogue de New York, un noir est abîmé en prière. Derrière lui, une voix lui dit « Alors, ça ne suffisait pas d'être noir? » Hein? OK, on y va. Dernier, après ça, on prend un break. Ça va du bien, hein? C'est une de mes favorites, celle-là. Deux vieux satyres observent une petite fille de 8 ans. À l'aise, à l'aise! Et la blague est « elle a dû être drôlement bien quand elle était jeune. Oh. Alors, je prends un t'asseoir. Merci. Sacrement. Ah, il nous reste un top 5. On va le faire ensemble. Ça va finir au musée chez nous si vous avez trop de neurones, genre, quelque chose. Sinon, Mario, ça, c'est ton dernier, ton dernier livre que tu as sorti dernièrement. Je tue, moi non plus. Oui. Dis-moi plus. C'est toujours pour montrer que je ne me prends pas au sérieux. Donc, c'est un thriller. Mais j'ai voulu mêler suspense et humour. Donc, plutôt que de sortir les violons et tout ça, je trouvais plus marrant donc, de raconter une histoire. Au départ, c'était une histoire d'amour. Okay. Au départ, mais c'était même des chroniques. Donc, au fil des années, l'histoire a évolué. Et puis, j'avais aussi une première version qui avait failli être éditée. Mais l'éditeur m'avait dit « La méchante ne se fait pas assez punir à la fin. » Okay. Alors donc du coup j'ai retravaillé ça et puis après je me suis dit tiens je vais corser l'affaire en rajoutant quelques meurtres par-ci par-là, d'où le titre après au final Je tue moi non plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu serais tenté de porter au cinéma un moment donné? Est-ce que tu oui parce que moi en fait chaque fois que j'écris je fais à la fois la version romanesque et j'essaie aussi de faire la version scénarisée au cas où. Donc ça moi c'est comme les médicaments, donc c'est en pilule, en gélule, en suppositoire, en sirop. si ça peut permettre justement de le faire reconnaître, je tente tout. Quoi. Donc toujours est-il qu'il y a déjà une version scénarisée que j'essaie de travailler par rapport à la version excellent. Romanesque. Et puis ton accent, on reconnaît quelque chose qui vient de Repentigny ou d'ailleurs. La partie méridionale du Québec. Partie méridionale du Québec. J'aimerais que je donne un livre. En fait, Mario donne un de ses livres à quelqu'un qui vient nous imiter l'accent qu'il utilise au micro. Ah, mais à une condition. À une condition, parce que j'ai remarqué que les Québécois, pour essayer de faire l'accent, comme les Français sont très nuls pour faire l'accent québécois, je peux vous dire que les Québécois sont aussi très nuls pour faire l'accent marseillais. Ben, c'est sûr. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il a fallu que je vienne ici pour découvrir ça, c'est que soi-disant que nous, quand on parle avec l'accent du Sud, on met des G à la fin, donc pour dire par exemple putain, on dit putain-gue. Alors, si vous voulez faire l'accent méridional, ne mettez pas de G à la fin parce que ça marche pas. Déjà, on a un indice. Qui veut avoir un livre? Viens m'envoyer chier avec le micro, je te donne un livre. Va chier, Tommy. Bon, merci, c'est Alex, notre technicien. T'aurais pu rajouter des couleurs, quelque chose, hein? Je pense qu'on est assez intime. T'aurais pu impliquer ma mère, quelque chose. Je pense que le monde haïsse tellement les livres, là. Oui, c'est vrai. Hein? c'est la batterie, elle marche pas. Ça fait pas de lumière. Sinon, je pense qu'on est prêt pour le prochain. S'il est là. Va-t'en bas. Dis-moi ce qui te ferait sourire. J'ai plus le choix de rester. Je suis le génie de tes désirs. Content de te revoir, Octave. Si tu me la marres, je connais zéro cette tune-là. C'est pas grave, ça va bien aller. C'est génial. Les gens avaient l'air de la connaître. T'es la nouvelle génération. Oui, c'est normal. Ben ouais. Puis c'est con, c'est mon sujet de la semaine. C'est le sujet de la semaine, en fait, la nouvelle génération, n'est-ce pas? Tu sais qu'on a vu que la presse laisse Patrick Lagacé se servir du journal comme son journal intime depuis comme quelques mois. Donc, il s'en sert pour parler de sa crise de la quarantaine et ses insécurités. Et puis, donc tu as sûrement vu l'article qu'il a fait sur les millennials. Ouais, il nous parle en disant bro, puis yo. Ouais, exact. Ouais. C'est exactement ça. Donc, j'ai pas envie de parler de trucs de génération parce que comment mieux le faire que mes aïeux, anyway. À la base, ils ont couvert le sujet assez solidement, n'est-ce pas? Mais, enfin, c'est mon avis. Mais il y a une phrase dans l'article, en fait, qui m'a juste intrigué un peu. Puis c'est quand il s'adresse aux jeunes, puis il dit « Votre génération est pas plus brillante que la mienne. » Et puis là, il sait que c'est un journaliste ou c'est comme quelqu'un d'éduqué, mais je me dis qu'il me semble que le principe de l'évolution, à la base, c'est que la génération suivante est censée être meilleure que la précédente. Parce que sinon, on va pas nulle part, tu sais. J'ai l'impression comme c'est ça, ouais. On vit quand même dans une meilleure époque. Mais c'est peut-être aussi le facteur crise de la quarantaine. Lui, c'est plus, mettons, le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide, tu sais, il reste à moi. Là. Oui, c'est son verre, de manière ou d'une autre. Occupe tout ton verre, tu sais. Là. Mais j'ai juste l'impression que c'est un peu comme insensé de, d'investir, tu sais, tu prends comme les 20 premières années du membre de, ta, de la société, comme tu lui... Tu donnes tout ton temps, ton argent, comme pour que cette personne-là apprenne, puis non, apprenne là, à apprendre. Si tu permets, c'est parce que je pense que lui, il veut nous dire qu'après lui, il n'y aura pas mieux. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Mais on peut essayer, on a le droit d'essayer quand même. Je pense que oui. Oui. En fait, tout ce qui vaut la peine d'être fait, c'est beaucoup pour la relève. Si la relève n'est pas là, il manque de but. On meurt. Mais j'ai l'impression, puis j'ai, comme le refus, moi, de, comme, d'écouter les gens de la relève, c'est comme j'ai l'impression que si tu vas chez Patrick Lagacé, ça va sentir le calice, premièrement. Et puis là, tu fais comme, hey, Patrick, comme, ça pue chez toi, comme peut-être que tu pourrais ouvrir les fenêtres, qu'on change d'air un petit peu. Le Patrick, il va te dire, comme, non, comme, ça fait longtemps que je suis ici, comme, reste, puis tu vas voir, comme, tu vas t'habituer. On s'habitue à l'odeur, puis tu sais, travaille, puis ça va être bien correct. Tu peux mettre les bosses à la terre, c'est correct, là, fais juste t'habituer à l'odeur. Oui, c'est ça, finalement, tout est correct, puis c'est toi l'imbécile. Fait que ça, je suis pas d'accord. Et puis, mais j'ai l'impression que ça relève parce que c'est avoir peur de sa création un petit peu, avoir peur de la génération suivante. Puis on voit beaucoup ça, on voit ça depuis le monstre de Frankenstein. D'ailleurs, je me sens vraiment stupide. Aujourd'hui, je cherchais le monstre de Frankenstein et puis j'ai réalisé que ça précède Einstein. Ben oui. Ben mais oui. Comme... Mais c'est deux affaires différentes. Quel addon. Ouais, c'est ça. Mais comme pour vrai, comme tous les enfants, bon, j'ai l'impression que il y a un... Pourquoi ils disent pas comme quand t'as 6 ans? Mais si tu me permets, les Grecs avaient quand même un gros problème avec leurs enfants aussi, d'habitude. Là. Les ouais. Dieux grecs finissaient tout le temps tués par leurs fils, puis là, après ça, ils avaient peur de ses enfants, puis mais c'est vrai. Un climat d'amour dans la maison. Hein. Et puis maintenant, c'est la technologie, tu sais, comme Terminator, comme Skynet, ou les affaires d'intelligence artificielle aussi, c'est un peu la même chose, c'est ces affaires-là, mais il faut apprendre à l'accepter, je pense, d'être dépassé par sa propre création, tu sais, moi... Quand j'étais en quatrième année, dans un truc de science, j'ai fait les volcans, oui. Tout ça, qui font de la faune, puis c'était ma création. Puis éventuellement, ce volcan-là m'a fraudé de 100 000 $ puis c'était pas grave. Okay. C'est correct, il s'est poussé comme en Islande avec les siens, puis au final, c'est ça le cycle de la vie, tu sais. Il me semble. Je pense que oui. Enfin, là, je vais pas trop rentrer dans l'éditorial, mais comme, tu sais, les millennials, oui, il y en a qui gossent, mais ça prouve à quel point on a la mémoire courte en tant que société, parce qu'il y en a des générations qui sont pires, là. Puis juste vite de même, je t'en nomme une, comme les enfants nés entre 1450 et 1470. C'est invivable. Tu sais, la petite génération caravelle, tabarnak. C'était pas du monde, tout le monde. Ah oui. Ça, c'était self-entitled, là, toute leur était due. Ah là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, qui s'est arrivé, plus grosse épidémie de syphilis de tous les temps. Tu sais, il fait calice. En tout cas, je venais juste dire que j'haïs vraiment Patrick Lagacé, en fait. OK, ben... J'étais juste là pour ça, puis je suis sûr que dans le recueil de blagues, elle s'applique toute à Patrick Lagacé. Ben, ouais. C'est tout. Ça nous a fait plaisir de te laisser utiliser 70% comme ton journal intime. Je me sens tellement... On le regarde bail, OK? Salut Octave, c'est un plaisir. Avez-vous remarqué sa coupe de cheveux, hein? C'est capoté. Ben, ça avait l'air un poodle au poil long, c'est vraiment fou. Je pense qu'il y a un mot dans ta phrase que coupe. Ah, il fait juste confiance à la nature. Exactement. C'est pas un hippie. Je l'aurais deviné, c'est pas un hippie. C'était-tu un hippie? Non, c'est un millénial. Je vois rien. Ah, c'est un millénial. C'est rien, man. Donne-tu pas une étiquette, tabarnak. C'est ça. Ben, je pense qu'on va passer au prochain. Ouais. C'est la Coralie, Coralie, Coralie, on a le dit qu'on fait un découpage la dernière fois, mais Nick n'a pas pris le temps de le faire, fait qu'il faut que je fasse la toune une deuxième fois. Ah, ah. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ah. Bonsoir Tommy, bonsoir, ça va bien? Ah, moi je vis des moments extraordinaires. Ah, parfait, Brouhaha, ça va bien? Ouais! Parfait, c'est que sais-tu pourquoi moi ça va bien comme ça? Compte-moi, ben oui, t'as l'air hype là. Écoute, c'est que j'ai rajouté, un peu comme il en parlait tantôt, du cinéma dans la télé, moi j'ai rajouté du théâtre à ma vie quotidienne. Ouh! Oui, j'ai rajouté du théâtre, et là quand je dis ça, c'est pas parce que quand je me lève le matin, je fais 12 coups de balai sur le plancher. C'est pas de ça que je parle. Non, Tommy, le théâtre, on ajoute ça dans nos vies avec minutie et extravagance. C'est que récemment, tout récemment, j'ai remarqué que la vie, c'était plate. Ouais, c'est plate, plate, plate, plate, plate, plate, plate, plate, plate, plate, plate, plate, plate, plate, plate. Mais si on ajoute des touches dramatiques ici et là, on peut la rendre intéressante. Là, cessez les protestations, je m'explique. D'abord, on sait que le théâtre peut nous sauver de plusieurs situations. Tout le monde connaît les fameuses techniques de claquer la porte pour signifier sa colère. Pleurer devant un policier pour éviter un ticket de vitesse. Ou sinon, s'enlever la vie pour que son ex revienne. Différentes techniques utilisées dans la vie de tous les jours. Mais moi, je dis qu'il faut aller plus loin. Il faut ajouter du théâtre, mon Dieu, comme ceci, le burlesque. Tout le temps. Il faut ajouter du théâtre quotidiennement à nos vies, comme il faut ajouter de l'amour à nos cœurs. C'est vrai. Mais vous autres, vos gueules! Oh oui, ça ne vous gâche pas. Donc, de l'amour. Par exemple, quand je parle de théâtre, je parle de fermer la gueule aux gens quand c'est le temps. Mais je parle aussi de quand vous êtes, mettons, au restaurant déjeuner et que la serveuse tarde à vous apporter votre premier café de la journée. On sait, c'est une expérience qui est fâchante. Alors, moi, ce que je vous propose comme mise en scène, c'est de prendre votre cuillère, la remplir de sucre, et là, oh, l'échapper sur la table. Là, la serveuse arrive, elle vient vous voir, elle dit « Mon Dieu, monsieur, madame, qu'est-ce qui se passe? » Et là, vous dites « Oh, mais j'ai même pas remarqué que j'avais pas de café. » Et voilà, le message est passé en toute subtilité. Vous pouvez applaudir. Ah oui, t'es dans... ouais, t'es... j'aime ça, c'est de l'improvisation offensive. Exact. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Ou c'est un Bruno autre... serait bon là-dedans. Moi aussi, je serais bon. Très passif-agressif. Continue. C'est pas passif-agressif, c'est théâtral. Ah, excusez, c'est ça que je voulais dire. Oui. Donc, un autre exemple, toujours au restaurant déjeuner, mettons que la serveuse tarde à vous desservir. Elle n'est pas venue vous voir souvent, la petite Chris. Ben non, elle est trop occupée à compter sa fin de semaine au cuisinier pas dedans qui lui regarde les seins. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est quand vous voulez discuter avec votre ami, mais que là, il y a toujours les assiettes qui occupent votre place, et là, c'est vraiment impossible de terminer une anecdote sans mettre les coudes dans les jaunes d'œufs. On sait, c'est une expérience fâchante. Eh bien là, pas le choix, vous procédez au décrissage du contenu de la table par terre. Comme un chat. Voilà, prenez des notes. Bon, là, je sais, vous allez dire que c'est pas très gentil de faire ça à une serveuse, elle mérite pas ça, mais qu'elle aussi réagisse d'un geste théâtral. Moi, ce que je propose, c'est qu'une fois la vaisselle par terre, la serveuse tombe dedans pour faire plein de bruit, tu sais, pour que tout le restaurant la regarde. Puis là, les mains pleines de sang, se regardent vers vous, puis elle fait « Pourquoi? Pourquoi? » Mais pourquoi? Ben, c'est ça. Mais écoute, c'est pour le théâtre. C'est ça, c'est ça. C'est pour le théâtre. Et là, bon, la serveuse peut vous taper le chest comme ceci ou comme ceci. C'est selon. Mais j'impose pas de mise en scène. Et là, c'est quand... Et là, c'est ce moment-là vous pouvez vous lever sans bruit, la regarder avec dédain, puis dire... Et quitter. Là, vous quittez sans payer. Et là, tout le monde va dire, t'es pas gentil. Sauf que la serveuse, elle, va recevoir un mégot, beaucoup d'argent de la CSST. Ouais. Donc là, tout le monde est content et c'est la révolution. Et de l'amour aussi des clients présents. Oui, mais je sais que ce que je propose en ce moment, c'est un peu extrême. Donc, je vais aussi avec des choses normales qu'on peut faire pour commencer à rajouter du théâtre dans sa vie. Par exemple, vous renversez un verre d'eau par terre. Mais là, vous regardez le reflet dans la flaque d'eau. Et là, vous dites, ce n'est pas le visage de l'homme que j'ai connu. Et vous balayez la flaque. On a vu ça souvent. On a vu ça très souvent, oui. Ou si quelqu'un vous tient pas la porte devant vous, vous foncez dedans. C'est burlesque, c'est le fun. Jim Carrey adore. Et sinon, si jamais votre voiture ne démarre pas, ben là, je vous propose d'appeler un garagiste. Hein? Le théâtre ne peut pas régler ça. Fait que je vous laisse tout le monde. Je vous laisse boire. Je m'en vais porter théâtre aux plus démunis. Merci, Coralie. Elle fait. D'ailleurs, on est rendu à faire tirer le dernier livre, Bruno. As-tu une manière en particulier que tu préférerais? On pourrait donner de la littérature à Mathieu. Hein? Je pense qu'il va venir nous voir bientôt. On va penser à ça. On pense au prochain. Prochaine personne qui est un chroniqueur gagne un livre. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est pas fait. Ça? Let's go, on pense au prochain. Ah ouais, c'est ça. Un peu de respect, applaudis quelqu'un qui le mérite vraiment. Là. C'est la première fois que je gagne quelque chose. C'est cool. Je prendrai pas le chance, je vais le lire. Merci. Petit message hein, à ceux qui parlaient tantôt. Vos gueules, calice. Super intéressant, le gars. Il vient de parler. Écoute-le, c'est-tu. Ils sont pas habitués, c'est leur première fois. Ben, c'est ça. Non, mais ça me dérange pas. Tu peux argumenter comme tu veux, j'ai raison. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est con de main. Sinon, deux ministres libéraux qui sont sur un bateau. Il y en a un qui tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? La chance inouïe de pousser le deuxième puis faire avoir un accident. On a des noms? Mais là, ça veut dire qu'il y avait plus que deux personnes sur un bateau. Voilà. Il y en a une plus facile à faire. Tu te dis juste, il y a deux ministres sur un bateau. Non, monsieur Pogarde. Je crois sincèrement qu'on devrait fabriquer une île avec une petite grosse clôture électrifiée, mettre tous les politiciens sales de calice dessus, sur l'île. Puis comme ça, on pourrait les autres, ils pourraient continuer à se raconter des menteries entre eux autres puis de vivre dans leur calice de monde idéalisé, hein, de leur bord, pendant que nous autres, on du bord de la réalité, hein, on fait avancer les affaires pour vrai. Sinon, ben, parlant des vraies affaires, les bartends de Golden Graham, Choco Guimauve. C'est tu vois où je m'introduis. Hein. C'est vraiment une des plus belles expériences culinaires de ma pauvre vie. Et pour vrai, ça goûte... Dieu, s'il mange quelque chose, ça goûte au tiers, ça. Et en regardant les ingrédients, je me suis rendu compte que pour 30 grammes de bartendre, c'est-à-dire une bartendre, il y avait 1 gramme de polyalcool. Polyalcool. Et ne sachant pas c'est quoi polyalcool, étant assez humble de ma personne, je me suis servi de ma tête, qui, elle, a utilisé mes doigts pour que ceux-ci utilisent la technologie me permettant de taper dans Google polyalcool. Bref, la symphonie d'un mouvement intuitif et rapide. Fallait être là. Pris 2 minutes. Faites d'autres choses après. Tu sais, j'ai une bonne journée cette fois-là. Stupeur, consternation, bris de condition. Le polyalcool est utilisé comme édulcorant dans le produit susmentionné et qualifié sur les différents sites où j'ai posé mes yeux de très peu toxique. Étant moi-même un fan fini de l'extinction de l'espèce humaine, ça m'a rassuré. C'est bon. Parlant d'espèces, cette semaine, j'ai promené le chien d'une amie. Et ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, mais pour moi, promener le chien d'une amie, c'est trois affaires avec lesquelles j'ai énormément de difficultés. Soit la nature, les animaux, les personnes, c'est des situations où je pogne les nerfs facilement. Heureusement, ça s'est bien passé. Mon fils m'a dit « Papa, c'est la première fois qu'un chien, tu le trouves propre. » Oh, tu sais, les hosties de flics, hein, sont toutes pareilles. Sinon, je suis nerveux de revoir mon ami. Si j'ai aidé mon ami, c'est que je lui dois de l'argent. Enfin, c'est parce qu'elle s'est faite opérer aussi. Là. Vaginoplastie. Bon, c'est pas ça son opération, mais ça me tentait de dire ce mot-là. C'est vendeur le cul. Elle, c'est plutôt un accident de couteau à beurre. C'est une histoire bête entre une noix de coco et une face que tu veux pas perdre. Et je suis nerveux de revoir mon amie parce qu'elle a une cicatrice. Et moi, je suis un gros fan de cicatrices. Fait que là, comme j'ai peur un peu de tout le temps vouloir voir sa cicatrice, la toucher, tu sais, rentrer chez eux la nuit puis la frotter en me crossant. Non, déplacer est le terme. Mais ce serait pas la première fois qu'on en parlerait avec mon nom à côté. Et là, c'est pas que je veux changer de sujet, mais on a-tu un été de cul, hein? Hein? Merci Mathieu. On sentait la métaphore en arrière de tout et il y a réellement du polyalcool là-dedans. Un gramme. Un gramme de. Non, mais c'est bien calculé parce que ça te tue à petit feu, pas de suite. Oh, c'est... On l'a mangé. On l'a mangé. On l'a pas nous la donner. Ah, mais là, c'était sa réserve pour le mois, genre. On va t'en trouver d'autres, Mathieu. Sinon, ben, comment ça se passe, ton 70%, Mario? Ah, très bien. Et vous? Ah, oh, moi, ça va pomper. T'es un fan de cinéma? Ben oui. Est-ce que t'as déjà vu La Coupe Longueuil de Eric Roberts dans Best of the Best? Non, mais j'ai vu La Coupe Longueuil de Tom Hanks dans Da Vinci Code, là. C'était pas loin, hein? Pas pire. Tu sors ton Tom Hanks, c'était pas loin. OK, je te sors Steven Seagal dernièrement. Oui, il avait lu le carrément une perruque, donc... C'est ça. Ah, tu sais pas quoi répondre, hein? Ouais. Victoire, c'est... Non, mais on écoute ça tantôt. Tant mieux si t'es avec nous encore. Mais on arrive à la fin de 70%. Et c'est de bon ton de peut-être, si on veut te rejoindre, d'acheter ton livre. Est-ce que t'es comme une manière... Si on veut suivre le Zuninoverse, est-ce qu'on peut te suivre sur Facebook? Ben oui, j'ai un compte Facebook. Je suis sur Amazon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un compte aussi sur Wix. Un site, un petit site. Puis, dans mon livre, j'ai même une adresse où on peut me joindre, une adresse de courriel. Et voilà. Puis achetez son livre si vous voulez le rejoindre. C'est ça qui et voilà. Pas forcément. Mais de toute façon, il est pas cher. D'habitude, Facebook, ça va bien. Puis Zunino, ça s'explique bien. Merci beaucoup, Mario. Ben, merci à vous. Ça a été super gentil. Je pense que la majorité de la foule a très hâte au film qui s'en vient juste après le 70% qu'on est en train de faire. Ce nonobstant, vous allez attendre encore un petit peu parce qu'on a une dernière dose de vitamine Bruno à prendre. Ça va être capoté. Ah, tabarnak. Ah, oui. Fuck, c'est vrai. Hein? Hey, Gaël, viens tant qu'on finisse ça. Ouais! Merci, Andy, de nous avoir rappelé qu'il restait 5 jokes à écouter. On s'excuse, c'est écrit dans le livre pour vrai. Là, c'est pas. Honnêtement, je tiens à m'excuser. C'est ça. Pour le malaise. On te pardonne. Puis justement le messager. Ouais, c'est ça. On te pardonne si t'es fait pas. Moi, le fait qu'il se branle dans notre face de même, ça me fait encore plus mal. OK, alors on continue avec joke de juif. Bam! Ben parti. Peur de rien, hein? Tu peux. Oh, est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Hey, je vais là, là. Tu sais, ça va être bon. Alors. C'est un colonel SS qui demande à un Feldwebel, c'est écrit là. D'après moi, c'est un soldat. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un wagon de billes et un wagon de juifs? Et l'autre, il dit non. Et la réponse est, essaye de décharger un wagon de billes avec des fourches! Oh là là! All right! Mais ça, t'as juste à mettre comme le wagon dans une côte puis d'ouvrir la porte, là, c'est... C'est encore plus facile des billes. Là, c'est... OK, là, ça, c'est une joke de philosophie, mais écoute, c'est bien raciste. Fais-la, okay. Là, ta gueule. OK. Qu'est-ce que la philosophie? Un tunnel avec un aigle dedans. Qu'est-ce que la philosophie religieuse? Un tunnel avec l'esprit d'un aigle dedans. Qu'est-ce que la philosophie scientifique? Un tunnel dans lequel on cherche l'esprit d'un aigle qui n'y est pas en criant très fort, je le tiens. C'est ça le gag. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'esprit, là. Ça veut dire que. C'est vraiment complet. Ça veut dire qu'on va passer à la prochaine tout de suite. Calvaire, oui, s'il te plaît. Ce livre a 40 ans seulement. Ouais, on parle de. Ça fait 40 ans que c'est de mauvais goût. Là. Et celle-là. Oh, oui, garde. Ah non, c'est pour ça qu'il a pris un pseudo. C'est pour ça qu'il a pris un pseudonyme, le gars. Oui, d'après moi. En fait, je pense que c'est une gang de gars. Alors, on y va. Il peut avoir des filles aussi. Ouais, non, peut-être. C'est une gang de gars blancs. Probablement. Excuse Tommy, mais. OK, next. Alors, on y va à la prochaine. Alors, c'est une fillette plutôt dévergondée. Déjà, ça part bien. S'est endormie dans un pré. Une vache distraite qui broutait par là lui passe dessus sans même s'en apercevoir et comme les tétines lui caressent furtivement le visage, la fille glousse dans un demi-sommeil. Ah non, messieurs, pas tous à la fois. Je la connais, c'est ça. C'est dommage, un setting épais pour une. Chute de même, ça. C'est elle était sûre que tous les mamelons du pied de la vache ben oui. C'était des pénis. Puis oui. Elle, ça y arrive tellement fréquemment quand elle dort comme ça que là, elle pensait qu'elle était ailleurs. Genre, pis... Hey, on y va avec une dernière. Ouf! Ou après, on ira au hasard, OK? Non. Fais une dernière, on va voir à quel point ça fait mal. OK, c'est bon. Alors, la dernière, est-ce qu'il suit? Je n'ai pas la page. Voilà! Alors... Une merveilleuse et pure jeune fille se présente aux portes du paradis. Vous êtes vierge, je lui demande Saint-Pierre. Je crois. Comment vous croyez? Allez passer devant l'ange examinateur. Si vous êtes vraiment vierge, vous allez pouvoir entrer au paradis, mais on a besoin d'une preuve. Alors l'ange examine la candidate et il dit à Saint-Pierre, « Pour être vierge, elle est vierge. Mais il y a quelque chose de bizarre. Elle a 7 petits trous d'épingle. » Hein? Quoi? Des trous d'épingle? On ne peut pas en l'envoyer en purgatoire pour ça. Allez, mademoiselle, passez. Comment vous appelez-vous? Et la jeune fille, Blanche-Neige. Ah, c'était des petits trous d'épingle dans son hymen que les nains n'ont pas été capables de... Voilà. Parce qu'il y a 7 nains, fait qu'ils ont chacun a fait l'amour une fois avec. Et chacun, ils ont la même... Ben, non, puis ils sont rentrés une fois. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu les 7 en même temps. Mais je pense que ça reste à l'interprétation. Ce qui est sûr, c'est que c'est très, très drôle. Oui, tout à fait. Ah, j'en veux une autre. Ça, c'est coup de théâtre! Vas-y, Tommy. Toi, choisis, oui, Mario. On va inviter notre invité, là. Fouille pas trop longtemps, on veut juste c'est bon, se débarrasser. Cette page-là, c'est bon, OK. En bas à droite, il dit. Le vieux monsieur se rhabille. Le vieux monsieur se rhabille. Il tend un billet à la fille et retourne. Au moment de descendre l'escalier, il se retourne pour lui dire « Je reviendrai dans un mois ». Et lui répond « Décidément, tu ne penses qu'à ça, petit vicieux. » C'était-tu juste le punch, ça, ou c'était la joke au complet? C'était toute la joke. Ça, c'était la joke au complet? Ouais, va-t'en. Merci. Ouais, merci. S'il te plaît. Ça va être chez nous. Merci, Gaël. T'es mon Italien de Verdun préféré. Tabarnak, j'ai comme la bouche pâteuse, tu sais, c'est... L'humour. Non, mais laquelle avez-vous trouvé la meilleure? C'est ça, le... Enfin, ou la moins pire, je dirais. Moi, j'aimais bien quand il y avait des SS, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de nazis dans les histoires. Ah oui? Non! Hey, on passe aux dernières nouvelles à Bruno. Calisse, je suis banné, hein. Let's go, Bruno. OK! Ben oui, c'est ça. Dimanche dernier, un homme dans la cinquantaine était à bord d'une embarcation récréative près de San Francisco quand son chapeau s'est envolé. L'homme aurait alors sauté dans l'eau afin d'aller récupérer le dit chapeau. Le capitaine aurait fait demi-tour afin d'aller trouver son passager, sans succès. Les recherches ont finalement été abandonnées aujourd'hui. On lui souhaite d'avoir retrouvé son chapeau. C'est un petit peu ça Darwin, hein, le concept, là, oui, ça... On continue dans le même ordre d'idées. À Algonquin, en Illinois, des sauveteurs tentent de retrouver un homme qui serait sauté dans la rivière Fox, près d'un barrage hydroélectrique. Il semblerait que l'homme se soit sauvé d'une pizzeria afin d'éviter de payer une facture de bouffe et que, dans sa tentative, se soit ramassé dans la rivière. Fait que peut-être qu'il a réussi, là. Ben, en tout cas, ils l'ont pas retrouvé encore. Ben, c'est ça. Il a traversé. Fait que, mettons que le gars avec le chapeau, puis lui, il se retrouve à un moment donné. C'était peut-être le même. Ça se peut. Il est capable de retenir son souffle pendant des mois, genre. Ah oui, c'est l'homme serpent, là. Il mange des... L'homme de l'Atlantide. Je pense que c'est clairement la théorie la plus logique. De tout moi, j'ai vu des shows à TV qui parlaient d'anciens astronautes qui nous auraient laissé des gènes de... Mayol. Continue. Deux hommes sont entrés dans un restaurant de la chaîne IHOP à Florida Keys, pardon, pendant la nuit, afin de cambrioler le restaurant. L'appel de la faim étant trop intense, les suspects auraient décidé de se faire cuire de la nourriture pendant leur cambriolage. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé des burgers en train de cuire sur le grill et un coffre-fort qui semblait avoir été jeté du toit du stationnement. Les deux hommes sont toujours en cavale, si vous connaissez des voleurs gourmands. Prière de contacter la police de Florida Keys. C'est vraiment... C'est comme les Dalton, genre. Ils volaient un coffre-fort, ils l'ont pitché en bas de quelque chose, puis ils se sont fait crier de la viande. On se prend un petit break. C'est merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Ça, pour... Et ça, c'est des vraies nouvelles. Hein? Ça fait partie du vrai monde dans lequel on habite. Il y a plein d'affaires qui font partie du vrai monde dans lequel on habite. Et ben d'ailleurs, j'inviterai Alexandre Pierre-Louis, le mystérieux homme aux trois prénoms, ainsi que son comparse à monter sur scène. On va discuter un petit peu avant de se lancer dans l'écoute de Exterminator X. Et voilà, il s'en vient. Vous allez voir, il est super à l'aise tout le temps, lui. Ça va, Alex? Oui, ça va. C'est ça, parle pas trop fort dans le micro, s'il te plaît. Non, tu peux le prendre. Okay. Ça. Et puis là, t'es avec la vedette avec, du film, ton frère? Oui, avec... non, moi, j'ai joué le téléphone dans la scène 3. J'ai vraiment mis beaucoup d'émotions, puis je tenais à remercier mon père. Merci, papa. C'est dit. Et toi, Alexandre, t'as réalisé le film qu'on va voir là, un moyen métrage, 30 minutes. Oui, c'est ça, c'est un hommage au film série B des années 80. Et puis là, t'es venu me voir pour une raison évidente. Oui, c'est pour projeter le film. Là. C'est ça, ben oui, parce que nous autres, on projette des... films. Films. Qui sont souvent des... longs-métrages ou courts-métrages. Des années... 80, mais oui, ouais. Les films des années 80, okay. Mais oui. Sinon, ben, parle-moi, te vient d'où, mettons, la motivation de te lancer là-dedans? Ça t'a coûté tout ton salaire au Burger Shop? Ou? Oui, je vais laisser Rick L'Espérance répondre à ça. On écoute Rick. Okay, bonjour tout le monde. Ça fait... Merci. Oublie pas de parler fort dans ton oui, micro. Oui, oui, oui, ça fait 5 ans que j'ai pas bu. Je suis content que m'accueillir. Puis dans le fond, c'est ça, ben, à 3h30 sur le bord d'une sécheuse en bas de l'appart, on a décidé qu'on allait se péter un fun puis prendre la caméra à papa puis on y va, on fait un film. Là, c'est à un moment donné, les années 80, c'est là ou c'est pas là, on l'avait, on l'a pogné, il est passé, il nous a demandé une adresse, on s'en calisse. On veut faire un film, tu sais, faut suivre. Fait que non, c'est ça. Fait que oui, non, c'est ça. C'est mon Dieu, c'est quoi le film, Alex? Ben, je viens juste de le dire, c'est un hommage au film des années 80. C'est comme un rip-off d'Escape from New York au fond, puis ouais. C'est quoi le titre? Ça. Le c'est titre? Exterminator X. Ah, ok, ok. Ou ben en anglais c'est Exterminator X. Ça c'est très drôle ça. Merci Alexandre, as-tu quelque chose d'autre que tu veux rajouter? Peut-être faire un salut à ta mère ou aux gens qui nous écoutent en ligne? Oui, vite, un quand même, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements à Julien Gagnon qui est en arrière, s'il vous plaît, qui a fait les VFX. Sans lui, le film n'aurait jamais eu lieu. Un gros merci Julien, merci beaucoup. Et écoutez, sinon mon Dieu, rapidement, je peux pas passer sous silence l'aide d'un musicien, en fait de deux, un musicien maison qui est un grand ami à moi, Nicolas Moreau, et un musicien que vous connaissez sûrement si vous écoutez un petit peu de New Retro Wave ou du Synth Wave, qui est Flash Arnold. Donc merci beaucoup Flash Arnold. Et puis mon Dieu, sinon rapidement, Maude, l'actrice qui joue ma blonde. Merci beaucoup, Maude, elle peut pas être là, donc elle a donné un travail extraordinaire. Merci beaucoup, elle a même pleuré sur commande, c'est assez hot, là. On n'avait pas de budget, mais elle l'a fait. on n'a pas de budget, c'est ça. Puis, ouais, merci, Pat. Merci. Yes, sir, Pat, merci. Sinon, Jacques, avec son rire qui n'arrête pas pendant la scène de torture. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, je pense que là, on a fait le tour du tour, là. Ben, je peux finir par bon cinéma. Oui! C'est pas pire, il l'a dit, c'est bon. Fait que, ils ont décidé d'aller sortir. Merci Alex, merci Ricky, la super vedette. Ben moi, je dis merci à tous les techniciens. Merci mesdames et messieurs d'être venus nous voir. 70% plus cérébral. Merci beaucoup à Sébastien Ouellette qui est dans la salle, que j'aime beaucoup. Merci à Bruno. Mario, on te suit sur Facebook. On espère te revoir. Ben oui, moi j'ai vraiment le but de nous faire un épisode avec toi, Alain Deneau et Julien Corriveau. On va parler des vraies affaires. Ah, pas de il y a problème. Bruno qui va avoir le droit d'être là, puis vous autres, vous formez votre gueule. Fait que, sinon, ben, dans quelques instants, ça va être Exterminator X. Faut juste qu'on se lève et qu'on recule la table. C'est capoté. C'était 70%. Merci à l'équipe technique encore une fois. Sacha Bourque, 70%. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Écoute, j'en ai des frissons. Non, je peux faire quelque chose d'autre. Non, c'était pour te dérouiller, celui-là. Ouais, exactement. Let's go, on en prend un autre. Hey, bonsoir tout le monde. Mon nom est Sacha Bourque. Il me fait plaisir d'être ici à douteux.org à l'émission 70%. Hey, hey! Bon, on va faire une petite visite de l'usine. Mais c'est le désert ici. Ils sont peut-être... Le Dr. X possède une usine au sein de laquelle il fabrique des missiles X. Action Man, grâce aux efforts de son petit sidekick, a réussi à désamorcer les missiles X fabriqués dans l'usine du Dr. X. C'est pas pire, ça. C'est comme si moi, mettons, j'étais un Evil Buzz de la fin et j'appelle les missiles que je fabrique des missiles Godette. Genre. C'est weird. Ouais, moi, j'ai un prénom de chien et un nom de famille qui a l'air d'une faute d'orthographe. Et ça m'empêche pas d'être fier de vous accueillir à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit au monde. On va impliquer toute la Trumposphère. Donc, ce soir, le show va se terminer avec un film de taekwondo karaté. Il y a un gros débat qui existe en ligne. Bien sûr, on s'en... C'est vrai, en ligne. Sur les internets, les gens discutent, tu sauras. Et est-ce que c'est un film de karaté ou de taekwondo? Ce qui est sûr, c'est que c'est un film de flashback. Parce que on se rend compte, et c'est ce qui, à mon sens, fait de The Best of the Best, version française, L'As des As, ou La coupe de cheveux de Eric Roberts. C'est ce qui fait de ce film-là un film résolument douteux. Parce que ça donne... Non, c'est sûr que là, la série, après ça, on s'en va à Best of the Best 2, et ensuite au 3 et au 4, qu'on sait plus trop on est rendu où, là. Mais le 1, c'est quand même une aventure assez conséquente, et je suis très content qu'on l'écoute ce soir. Moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, et il y a des bouts, surtout quand que Eric Roberts marche de dos avec des jeans, il y a des bouts que j'avais un flash, que c'était comme Bloodsport avec... Jean-Claude Van Damme, un de ses premiers films dans lesquels il va tuer la vache humaine du nom de Bolo Young. Et son sidekick, c'est l'ogre de dans les tronches. Donc, on va écouter ça tantôt. Je vais en reparler un petit peu plus longuement tantôt. Selon moi, on est à moins 6, moins 7. Là, t'sais. Ouais, ça botte. Là, pis, c'est le fun aussi quand il présente les méchants en disant « Ce méchant est méchant parce qu'il a fait ça, ça, ça. » Il lise des méchants, des CV de méchants pour que tu comprennes que ça va être dangereux. C'est très beau, ce film-là, pour ça. J'arrête d'en parler. Juste avant, on a Rémi Fréchette et Étienne Léonard. Lorando. Étienne Lorando de Frontkick Productions et Rémi de sa vie personnelle. Et voilà, un multidisciplinaire. Deux gars qui... je pensais que tu avais déjà été VJ, Étienne. OK, donc deux gars qui en sont à leur première et j'ai très confiance qu'on va être divertis de la bonne manière. Juste avant ça, on va avoir en première de toute l'histoire de la vie, il y a même des posters à vendre là, le très sympathique homme aux trois prénoms, The Man with Three First Names. On parle bien entendu de Alexandre Pierre-Louis de Mean Machine. Il est là, il va nous présenter son... Eliminator X. Exterminator. Je m'excuse, c'est Dr. X de tantôt qui m'a tout mélangé. Et donc, juste avant ça, on a un 70%, un petit peu à contre-courant de ce qui est arrivé ces derniers jours. On est très content d'avoir quelqu'un qui va cérébraliser avec nous. C'est sûr qu'on va parler de ce qui est le meilleur entre Batman puis Superman. Et sinon, ben juste avant ça, pour commencer la soirée, c'est la dame qui coûte le moins cher en ticket de boisson de toute l'histoire de nos shows ici. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissez Isabelle Sasseville. C'est vrai. C'est vrai. Je bois pas, yes. Fierté. Pas tant, non, c'est juste une question d'habitude. Bonsoir, douteux, ça va bien? Good! Fait que là, c'est ça, j'ai testé du nouveau pis du vieux. Fait que si t'as déjà entendu des affaires, ben, ris pareil. Pis c'est ça qui est ça. On part! Ceux qui me connaissent savent que j'ai étudié en théâtre. Pour les autres, là, la plupart, vous m'avez sans doute déjà vu en train de desservir des tables dans un restaurant. Pas très longtemps, je suis allée voir un show de théâtre. C'était une mise en scène bien, bien minimaliste. Hein. Il n'y avait pas de décor, pas d'entracte, pas de budget, pas de plaisir. On voulait aller manger, en fait, après le spectacle. Et on était devant le musée de l'Holocauste. Et il n'y a pas de restaurant proche du musée de l'Holocauste. En même temps, si tu sors de 3 heures d'exposition sur les camps de concentration puis que ta première réflexion, c'est « Christ que j'ai faim, mangerai un smoked meat », soit tu es une mauvaise personne, soit il y a un gros problème avec l'exposition permanente. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée dans un restaurant où il y a un DJ qui mixe pendant que tu manges. Hein? C'était vendredi soir. Moi puis mon chum, on va au resto le vendredi soir, là, comme tous les autres couples, pour oublier qu'on baise moins qu'avant. Ouais, bonjour chérie, je t'aime. Il est dans la salle ce soir. C'est ça. On arrive, le DJ, on l'a vu rentrer. Hein? Il était difficile à manquer. Je veux dire, son attitude est rentrée avant lui. Elle a tenu la porte pour qu'il passe. Nous, pendant ce temps-là, on a attendu une demi-heure pour s'asseoir parce que le DJ prenait deux tables. Fait qu'ils nous ont servi l'apéro dans le portique. Moi, personnellement, si je veux siroter mon drink avec mon manteau sur le dos en me faisant juger dans une ambiance lounge, je vais au Igloo Fest. Après ça, il a commencé à nous jouer des demi-tounes. Tu sais, c'est une mode de radio commerciale. Ça me tape ses nerfs, ça. Y a-tu quelqu'un qui connaît la fin d'une toune de Taylor Swift? Non, personne connaît la fin d'une toune de Taylor Swift parce qu'il n'arrête pas de juste mettre des demi-chansons. À un moment donné, entre deux demi-tounes, il nous a regardé, il a pris le micro puis il a fait « Yo, this one's for my crew ». Nous, tout ce qu'on a entendu, c'est « Yo, j'aurais dû finir mon DEP en soudure ». Quand on est parti, il était en train de mixer du Rihanna avec des longs solos de saxophone. J'ai eu un peu pitié du gars. En même temps, c'est peut-être un retour de karma. Peut-être que c'est le gars qui cède pas sa place dans l'autobus, puis qu'à chaque fois, oups, au lieu d'avoir un contrat intéressant, il est engagé par Saint-Hubert pour faire la job de l'iPod. Sinon, ceux qui me connaissent savent aussi que je suis adjointe administrative. Ça veut dire secrétaire débutante dans la langue du déni. Ça veut aussi dire que concrètement, je gagne 2/3 du salaire d'un homme, mais que mes amis de gars m'appellent quand même pour m'emprunter de l'argent. Des fois, je suis au travail, puis je tombe dans l'une, puis j'imagine ma vie si j'étais pas une secrétaire. J'essaie de pas me faire pogner parce que c'est jamais le fun de se faire demander « Pourquoi tu pleures à 10h le matin? » Dans ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, je pense à Madame Bovary. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas ça, Madame Bovary, c'est un roman français. C'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie, qui trompe son mari et qui se suicide. C'est exactement comme lire la vie d'une participante d'Occupation double. Personne ne tient ses promesses, puis tout le monde est déçu. C'est sûr que le livre aurait été meilleur si Madame Bovary avait fait « You know what? Fuck it. M'a partir on the road avec la vieille jument. M'a vendre mes poèmes pour de la boisson. M'a me faire tatouer Carpe Diem sur une boule. Fuck le mari. Fuck le bébé. Je veux vivre. YOLO, calice! » Personnellement, moi, c'est le livre le plus fucking plate que j'ai lu de ma vie. C'est pourquoi j'adore l'offrir en cadeau. Hein? Avec une petite carte qui dit « Cette histoire m'a beaucoup fait penser à toi. » Puis les gens à qui je l'offre, ils le lisent jusqu'au bout parce qu'ils cherchent le compliment, mais il n'y en a pas. C'est un suicide, son mari meurt de chagrin, puis leur fille devient orpheline. Joyeux Noël, Chantal des Ressources humaines! Sinon, ça fait 2 ans que je travaille dans ce bureau-là. Tous les jours, on me parle de météo. Personne ne m'a jamais demandé comment s'est passé mon week-end. C'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas mon nom encore. J'ai une de mes collègues cet hiver qui m'est arrivée puis qui a fait hey, « Tu peux-tu croire que ça fait 10 minutes que je passe à déblayer mon char? » 10 minutes en février, pas sérieuse! Ça permet-moi de garder ma surprise pour la journée où il va pleuvoir des oiseaux en feu sur ton char, Carole. Sinon, le printemps, on est dedans présentement. C'est une saison très vicieuse. Je veux dire, t'as beau piler dans de la bouette ou dans de la marde, ça sent exactement la même chose. Concrètement, le printemps, c'est comme un preview de l'été. Hein? Faut attendre 3 mois pour voir le film au complet. J'aime ça imaginer la bande-annonce du film de l'été, hein? Summertime, The Return, avec Morgan Freeman dans le rôle du soleil. Faut absolument que ça soit un acteur noir qui joue le soleil. Hein? Le seul personnage qui domine complètement les Blancs en leur donnant le cancer. Sinon, le printemps, c'est sûr que ça génère des sentiments mixtes. Quand le froid vient s'en mêler, il y a des gens qui aiment ça vivre dans le déni. Cet hiver, sur le site de Météo Média, il y avait un petit sondage qui demandait « Une vague de froid sévit présentement sur le Québec. Êtes-vous d'accord? » Êtes-vous d'accord? Je veux dire, Météo Média, donne-moi un degré en Celsius. Moi, la seule décision que je peux potentiellement prendre avec ça, c'est si je mets un foulard ou si je pogne la grippe. Hein? Autrement, le froid, tout le monde est expert là-dedans à un moment ou à un autre. Moi, j'ai un collègue français fatigant. Là. Je veux dire, je dis fatigant, j'ai pas de préjugés. C'est pas tous les fatigants qui sont français. Mon collègue, à chaque fois qu'il fait froid, froid solide, là, il nous arrive et il nous dit « Ouais, ben tu sais, hein, sur la surface de la Lune, il peut faire jusqu'à moins 175 degrés Celsius. » Ça, c'est 3 degrés de moins qu'au Yukon, l'été. I'm not impressed, Jérôme. Hein? Les Français, ils deviennent tous un peu niaiseux quand ils parlent de froid. Nous, on a tous déjà vu un bulletin de nouvelles français l'hiver. Hein? Une chute de neige a plongé Paris dans l'horreur ce matin, alors qu'une accumulation au sol de près de 2 cm a forcé plusieurs concitoyens à abandonner leurs véhicules en pleine rue. On rejoint Catherine Dubonnet sur place. Catherine, vous m'entendez? C'est l'apocalypse! On va tous crever! Dites à Thierry aux enfants que je les aime! Sur une autre note... Moi, j'ai subi cet hiver, je ne suis pas sortie beaucoup, en fait, je n'ai pas subi le froid, parce que j'ai été opérée dans les mains, les tunnels carpiens. C'est un chirurgien plastique qui a fait mon opération. Hein, comme quoi, même en médecine, les mains puis les totons, ça va ensemble. Chez mon chirurgien, c'était drôle la salle d'attente parce que tu as vraiment les patientes de la clinique des seins qui sont des danseuses de 25 ans et une madame de 50. Et tu as la clientèle des mains qui sont des madames de 50 et moi. J'étais la guédaille des chirurgies des mains. À un point tel que quand je suis rentrée dans le bureau du chirurgien, il m'a dit « Bon, vous pouvez vous asseoir sur la table d'examen, enlever votre chemise. » J'ai fait « Non, non, je viens pour les mains. » Il m'a regardée. Il a dit « Vraiment? » Puis j'ai vu de la déception dans son regard. Je ne sais pas s'il était déçu parce que j'avais des petits seins ou parce qu'il venait de perdre 8 000 $. Sinon, après la chirurgie, j'ai fait une infection post-opératoire. Ça, c'est très douloureux. Ils m'ont donné de la morphine. Ça, ça fait voir des papillons. Puis de la pénicilline. Ça, ça fait faire des champignons. Ouais, c'est dégueulasse. Pour contrôler la vaginite, j'ai mangé beaucoup de yogourt. J'ai continué à prendre ma morphine. Résultat, j'ai vomi. J'ai vu des papillons dans mon yogourt. Moi, j'ai pas une très bonne santé, déjà, à la base, parce qu'à 15 ans, j'ai été diagnostiquée avec un diabète de type 1. J'ai passé proche de mourir. Ça aurait vraiment compliqué ma vie. Mes parents étaient très contents que je décède pas. Ils auraient été pognés pour faire le ménage de ma chambre. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas passé la balayeuse là-dedans. La poussière s'était syndiquée. Les acariens étaient rendus avec des avantages sociaux. Le plus proche que je suis passée d'être morte, c'est 48 heures dans le coma. C'est weird, le coma, hein? T'entends tout, mais tu t'en sacres. Quand tu te réveilles, tout le monde pleure. C'est comme s'endormir devant Mémoire vive. Sinon, le plus difficile avec le diabète, c'est le sexe, parce que nous, quand on a des rapports sexuels, puis c'est des grosses poussées d'énergie, puis on peut faire des baisses de sucre là, après l'effort soutenu. Trouver le gars, par exemple, ça, c'est facile. Je veux dire, je sais que j'ai l'air d'une professeure de deuxième année B d'une classe d'allégée, là, mais Christy, j'ai fourré dans ma vie. À chaque fois qu'il y a un humoriste de la relève qui est monté ici de vous raconter comment il ne sait pas ramener une fille, moi, j'ai fourré. C'est tout pour moi. Merci, docteur. Isabelle Sasseville, mesdames et messieurs. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Salut, moi c'est Vincent Descourteaux. Les condoms, je pense que ça devrait être considéré comme comme l'égal des autres sortes de vêtements. Parce que les condoms, c'est un peu comme les mannequins. T'sais, genre, des fois, il y a des mannequins qui se font vomir pour rentrer dans leurs vêtements. Puis les condoms, t'sais, on les met pour faire vomir nos pénis. T'sais. Un pont large de même. 70%. Vomir à 70%. America's favorite cracker since the Second Vietnam War. Tastes like freedom. Wow, vraiment, merci beaucoup Alexandre, Pierre, Louis, s'il vous plaît, on l'applaudit encore, il y avait Ricky là-dedans aussi. Capoté, hein? On est tout le temps, on peut le donner en masse, c'est vrai. Hein? Il m'a dit que le film était pour être disponible en ligne dans pas longtemps, donc si vous voulez le réécouter chez vous pour comprendre les subtilités... Vous allez pouvoir le faire. Sinon, je suis très content de prendre un petit instant avant de se plonger dans leur séquence de clips. On va commencer par Rémi. On peut applaudir Rémi Fréchette, s'il vous plaît. Allô! On fait ça rapidement. C'est la première fois que tu es VJ ici. C'est la première fois. Tu vas prendre mon micro et m'expliquer c'est quand ta fête. Le 30 juin. Ouais, ça s'en vient, hein? Quelle année? 89. Qu'est-ce qui se passe? Je reste dans les années 80. Je sais pas si c'est... Oh! C'est l'année décevante, tu sais. Toutes les autres corrects, 88, 90, ça aurait été correct, mais... Mais en fait, cette année, en 2017, on est en train de vivre quelque chose de particulier. C'est le 30 ans de plusieurs excellents longs-métrages, notamment Deadly Prey, qui est le meilleur de tous les films, de tous les temps, de toutes les réalités. On a aussi, oui, je suis très objectif, on a aussi Strike Commando. 2017, une grosse année. Toi, Rémi, est-ce que tu as remarqué ça? Non. Donc, tu vas faire le VJ, tu vas nous mettre une coupe de clips, et j'ai entendu dire que tu étais pour revenir. Ouais, j'ai trouvé vraiment de la belle cochonnerie. Je veux juste introduire deux affaires. Il y a des vidéos, des auditions que j'ai trouvées de comment ça s'appelle, non? Le banquier. Le monde, il crée ça en ligne sur YouTube, leurs éditions du banquier, puis c'est dégueulasse. Fait que j'en ai trouvé deux, puis il y a genre 150 views. Fait que c'est vraiment du inédit. Pis j'ai trouvé un challenge d'un gars qui s'appelle Gorachan. C'est un Indien qui fait des démos d'acteurs à lui-même. Puis il y a genre 120 vidéos sur son channel. Puis il y a genre 100 views par clip. Fait que j'ai fait comme trois petites compiles de Gorachan, puis c'est vraiment... J'espère que ça va devenir une star, parce qu'il y en a du stock. On pourrait se faire un spécial Gorachan seulement, là. Genre une heure et demie de Gorachan. Fait que ça s'en vient. Merci beaucoup. Rémi Fréchette, s'il te plaît, va t'installer à la console. On passe à Étienne Laurando, un instant. Étienne, je vois sur ton T-shirt qu'on a des intérêts un petit peu communs. Toi, tu t'occupes de... Parle-moi de ta job, c'est capoté, ça. Ben, j'ai plusieurs travails, en fait, mais je travaille dans un magasin pour gagner ma vie et aussi je fais partie d'une équipe de cascade et de production de scènes d'action. Donc, c'est ça qu'on fait, qu'on essaie de percer là-dedans puis de faire du mieux qu'on peut. Donc, si vous avez besoin de scènes d'action pour vos films, venez me voir. Ensuite de ça, aujourd'hui, ma contribution au mix de vidéos, ça va être un petit peu de lancer compte ainsi que des vieux combats de UFC. Je pense que certaines personnes ici vont pas mal apprécier ça ici. Est-ce que t'as le légendaire entre Dan Severn et Ken Shamrock qui se sont tournés autour de l'autre, l'un l'autre, pendant 20 minutes? Là? Je l'ai en VHS chez moi pendant celui-là. Je vais vous laisser la chance de voir celui qui est moins connu, celui que j'ai mis dedans, mais il est tout aussi savoureux. Okay. Merci, on connaît notre schnitzel en esti. Donc, il nous manque juste de lâcher le micro, puis on va écouter ça. Merci Rémi, merci Étienne. Merci à vous autres d'être là. Il y a des projectiles qui sont sortis. Ça vient sans aucun mode d'emploi autre que prenez donc 3-4 instants pour lire le règlement de visionnement. 1. On parle à tout le monde du club, parce qu'on est un club de visionnement. 2. Attention, très important, on parle à tout le monde du club. 3. Si quelqu'un chiale, se plaint ou engueule, c'est signe que le visionnement s'éloigne de la neutralité, ce qui est bien. 4. Jamais aucun projectile sur des êtres vivants. on n'est pas ton psy, va consulter. 5, on assume ce qui nous passe par la tête. Et 6, si c'est votre première soirée au club, vous devez vous poser au moins une question. Pourquoi il veut qu'on se pose une question? C'est moi qui ai gagné. On part avec le set de VJ. Merci. Bonjour, mon nom est Ulrich Corbeil-Trudel. Vous écoutez 70%. Voyons, tabarnak, que personne ne fait le ménage ici de câlisse. Bonjour tout le monde! Vous avez eu du fun? Hey! On lance pas de projectiles sur personne, c'est écrit. On en parlera. Bonjour tout le monde, comment ça va? Vous avez aimé votre soirée jusqu'à maintenant? C'est quoi votre bout préféré? Non, chacun votre tour, ce sera pas long. Toi, c'est quoi ton bout de prononce? C'est pas vrai. On est rendu à l'étape magique. Entre le film et après le film, parce que c'était long en crise qu'on vient de voir là, et c'est l'encan. Donc, évidemment, on est un organisme à but non lucratif, ce qui veut dire qu'on ne mange pas et on ne dort pas non plus. C'est quand la dernière fois que tu as dormi, Tommy, toi? OK. En tout cas, on souffre et pour alléger notre souffrance, ben on a besoin d'argent. Et la manière qu'on a trouvé pour, dans le fond, pas faire de pipe, c'est de trouver des objets bizarres puis vous les vendre. Donc, on va faire un encan. On va commencer par le premier. Ben, bonjour Mathieu, ça va? Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? C'est un pad officiel Warhammer 4000. De compétition indie, ça, si t'aimes ça, ça a l'air que c'est malade en tabarnak. Là, c'est un pad de souris. Non, ça, c'est un pad de... Ah, oh, pour jouer aux cartes! Ah! Oh! Exactement ce que je disais! Ah! Oh. Puis on commencerait l'encan à combien? 2$, probablement, ouais. Oh! Combien? 2, 3, OK, 3, wow! 6! 6, OK, 6! Wow, OK, attends un peu, là. Donnez-moi 10 secondes, là, parce que ça va vite, là. $7! OK, je suis revenu. 7, combien? 8! 8$ à droite. Qui dit mieux? 9! Oh, on a un 9 en arrière! Wow! Voyons, il est bien populaire, ce tapis-là. 10$! 10$ une fois. 11$! Oh! On n'a jamais ramassé autant d'argent de toute notre vie. Incroyable! 12! Wow! 12$ une fois. 12$ deux fois. 12$ trois fois vendu au gars avec des lunettes. Wow! Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de l'encan. Ça se vend-tu de même, généralement? C'est incroyable! Merci, Mathieu. Alors, on continue avec, je crois, une figurine. Oh, Chris, je le veux, lui. Moi aussi, je... Hey, ça, c'est si t'aimes Borderlands, la série Borderlands. C'est les Pop Games qui font ça. C'est Claptrap. C'est la patente, je pense, que tu te saves dans le jeu. Hein. J'ai joué 10... Non? C'est un robot. C'est un robot, mais il ressemble justement à la patente que tu saves, mais c'est un des robots. J'ai pas joué. C'est quoi le jeu? C'est Borderlands 1, 2, etc. Alors, c'est un objet de collection. On commence à 2$. Qui dit mieux? 1$. C'est Claptrap de Borderlands 2. C'est le robot. I know, right? Donc, 2$ une fois. $2 deux fois. $3 ici en avant. Quelqu'un qui reconnaît la valeur du pop. Pop, pof. Donc, $3 une fois. $3 deux fois. Oh, $4 ici en avant. On pensait que c'était fini, mais finalement, c'est pas fini. $4 une fois. 5! Applaudissez tout le monde, c'est un encart, c'est le fun. 5$ une fois. 5$ deux fois. 5$, ah, 6$, wow! Prenez pas votre temps! 6$ une fois. 6$ deux fois. 6$ trois fois vendu à Marc-André. T'sais, moi, j'ai un souvenir par rapport à ça. Puis je pense que ça t'inclut, Tommy. Quand j'étais jeune, mon cousin Tommy, je crois, avait ce jeu-là, ou en tout cas quelqu'un dans la famille, et c'est ce jeu-là qui m'a fait découvrir à quel point que les échecs, ça peut être le fun quand il y a des images dessus. Et j'ai toujours trippé sur ce jeu-là jusqu'à ce que j'ai rejoué il y a à peu près 5 ans ou 4 ans, puis j'ai réalisé que c'était pas si fun que ça. Ouais, OK. Est-ce qu'il y a toutes les pièces là-dedans, oui. Tommy? Toutes les pièces sont là. Est-ce que le colonel est dans la boîte? Il paraîtrait que non. OK. Donc, on a un vieux stratégo sans colonel avec toutes les pièces. Donc, on commence ça à 2 $. Donc, 2 $. 2 $ une fois ici. 2 $. Hey, moi, je donne 5 $. Come on. 5 $. J'embarque, fuck you, là. 5. Non, moi, 5. C'est moins de 5. 5 piastres. 5 piastres une fois. 5 piastres deux fois. 5 piastres trois fois, vendu à moi. Merci. OK. Je vais laisser Mathieu le présenter, on y va. j'ai pas joué au jeu. Mais c'est un poster du film Exterminator X, ou en anglais, là, Exterminator X. Il est signé par le monde qui ont fait ça, là, qui était là, ici, présentement, parce qu'il a été signé juste tantôt. C'est très, très frais. Faut pas y toucher. Voilà. Ça peut aller un peu partout dans ta maison, sinon dans un plastique, parce que t'es un nasty freak. Ça commence à... Qui est prêt à donner 2 piastres? Oh, 2 piastres! Tabarnak! Êtes-vous sérieux? 3 piastres! Oh, $3 ici! Quelqu'un de l'équipe, incroyable. Êtes-vous sérieux? $3 une fois? $4! Quelqu'un de convaincu que c'est la bonne chose à faire. Il y a sûrement une place vide. Combien? $4 une fois! $4, êtes-vous sérieux? 5$! Oh, c'est incroyable! Bruno Simel, c'est une autre personne de l'équipe, une fois! 5, c'est n'importe quoi! 2 fois! $6! 6$! 6$ une fois! 6$! 10$! Incroyable! Faut dire que Bruno travaille. Une fois. On aurait pu faire ça à l'interne, en effet. 2 fois. 3 fois vendu! Incroyable! Merci beaucoup! J'aimerais remercier ma famille. Bravo, Mathieu! Mathieu! Bravo, Bruno! On va te donner ça. Est-ce qu'il y avait autre chose? C'est tout? Tom, est-ce qu'il y avait autre chose? C'est tout? C'était le dernier? OK. Donc, on vient d'apprendre une leçon. On va juste acheter des tapis de Warhammer 4000, 40 000 à partir de maintenant. Alors, j'inviterai Tommy Godet, qui est pas concentré pour 4 sous, à venir sur le stage! Wouh! Applaudissez tout le monde. Merci. C'est tout pour moi. Bye. Bye. Salut, Andy. Merci d'avoir été là. Je vais rapidement baisser l'écran. Je parlerai pas longtemps. On est devant un long métrage qui contient. Merci beaucoup à Rémi Fréchette et Étienne Laurando. Une performance de VJ vierge vraiment excellente. Tu sais, se poser des questions, ça rend fort en dedans, tu sais. Calice, vous nous avez rendu fort, les gars. C'était vraiment capoté, là. Mon bout de préféré, là, c'était les affaires du banquier que le vieux monsieur, il a écrit un scénario, puis... Bravo, vieux monsieur, d'avoir écrit un scénario. Maintenant que t'as fait ton Roger Normandin, fais un deuxième, genre, tu sais. Il faut commencer à Roger Normandin quelque part. On est donc... devant un long métrage qui contient beaucoup Eric Roberts. Au générique, il y a Eric Roberts. Dans des jeans moulantes, il y a Eric Roberts qui porte la Longueuil glorieuse. Il y a Eric Roberts. On est devant un film qui contient Eric Roberts. Et on est aussi devant un film qui contient Chris Penn. On est des fans de Chris Penn, hein? La famille Penn. Sean Penn, en fait, il y a comme un frère un petit peu plus gros et moins bon acteur et plus désagréable. Et il est dans le film de ce soir. Et il est une des figures fer de lance dans mon appréciation résolument moins 6,7 du film de ce soir. On est devant un film douteux. On est devant un film qui repose sur des flashbacks en noir et blanc pour créer de la tension émotionnelle qui n'a aucun rapport à ce qui pourrait arriver dans la vie. On va avoir un montage d'équipement, on va avoir un montage d'entraînement qui dure vraiment longtemps. À un moment donné, le boss de l'équipe américaine se fait dire « Oui, on a décidé de vous attribuer un docteur pour vous aider dans blablabla. » Là, il donne le dossier, puis l'autre, tu sais, c'est le gars qui se battait contre Conan, là. C'est Darth Vader, là. Chose, là, il y a un gros chien, là, puis il est aveugle, là, il vient en arrière du stade de baseball, Earl Jones. C'est ça. Et là, ce gars-là se fait dire qu'il va avoir une nouvelle docteur qui va aider à garder le contrôle de l'équipe de 5 gars. Premier constat, c'est sûr que c'est une fille. Deuxième constat, c'est sûr qu'Eric Roberts l'a fait. Troisième constat, c'est sûr que Chris Penn va être désagréable avec. Et ça se passe tellement vite, tellement dans cet ordre-là. On est devant un film qui ne réinvente rien. Pour qui les sentiers battus, c'est le trottoir sur René Lévesque. T'sais? On est devant un long métrage qui ne prend aucun risque. Sinon que peut-être pour la première fois, Eric Roberts était casté dans le rôle d'un champion d'un art martial. Tabarnak! Chris, je suis rendu overweight, ça fait 8 ans que je n'ai pas fait. Eric, ça n'a aucun bon sens. C'est un long métrage, vous allez voir, ça roule en bouche. Il y a des moments, tu te dis, voyons donc, ils vont pas faire ça. À toutes les fois, ils vont faire ça. Toutes les fois, puis tu vas te le dire souvent, ils vont pas faire ça. Puis qu'est-ce qu'ils vont le faire? Puis c'est ça qui est beau. C'est qu'on les connaît, les tropes dans le cinéma, on les connaît, les langages. Ah ouais, ils s'entraînent pour se venger. Hey, le bout que son fils meurt, là. Si tu pleures pour autre chose que de rire parce que t'as mal au ventre, viens pas me voir, je t'occupe. C'est incroyable, ce film-là, parce que ça vieillit excessivement mal. J'en parlais aussi tantôt, rapidement, juste avant que je commence le film. J'en parlais tantôt. C'est un film, et moi, j'adore ça. Ils font un CV des méchants. Tu sais, parce que là, tu veux engager un méchant pour tuer le gentil, parce que sinon, il n'y a pas de film. Et là, tu checkes les CV des méchants. 4e à Londres, 8e. Tu sais, là, ils sortent les stats, il y a des figures de... Hostique, c'était épais, calice. En tout cas, je vous aime. Merci Sébastien Ouellet d'être là, man. Si t'étais une statue, tu serais sûrement vraiment hot. C'est ça. Mais, merci à tous les bénévoles, merci aux techniciens. Et puis, ben là, on est rendu au moment de la vie où finalement j'arrête de m'écouter parler. Puis on écoute l'excellent jusqu'à lundi prochain. Moi, je serai pas là parce que je vais filmer une autre saison d'un souper presque parfait. C'est un peu grâce à vous parce que vous avez voté pour quelque chose. Donc, OK, non, en fait, je vais m'en vouloir si je vous le demande pas. est-ce que je m'habille en feu Calvados? Ouais! Est-ce que je m'habille en raton laveur? Ouais! OK, non, vous savez pas de quoi je parlais d'abord. Je reste encore dans le vague. Là-dessus, on écoute Best of the Best, version française, L'As des As, le premier de quatre films. Parce que dans ce temps-là, ils ne savaient pas encore qu'il n'y a rien qui se vend mieux qu'un box set de trilogie avec un extra à côté. Les années 80, le monde était cinglé. Hein? Woo!